mais moi je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bienvenue sur Démocratie Participative. Je suis content de vous retrouver cette semaine avec nos participants et c'est l'épisode numéro 18 de cette première saison. Alors, comme d'habitude, je vous invite à rentrer en contact avec nous si vous le souhaitez. Notre adresse email, democratieparticipative@mail.ru. Il n'y a pas d'accent sur démocratie, bien évidemment. Je répète, Démocratie Participative d'un seul tenant. Pas d'accent sur démocratie, @mel.ru. Vous pouvez nous suivre, vous devez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous vous abonnez, hein, n'oubliez pas de le faire, c'est très pratique. Comme ça, vous avez les alertes pour nos nouvelles vidéos. Et évidemment, d'aimer notre page Facebook, où vous pouvez aussi nous envoyer des messages. Et je le répète, hein, partagez le lien de l'émission quand ça passe sur Facebook, partagez-le avec vos amis. Ça aide à diffuser la bonne parole, ça progresse, hein, lentement mais sûrement, mais ça progresse et c'est bien, j'en suis satisfait et toute l'équipe aussi. Alors je présente nos intervenants de la semaine, sans transition, Derek, salut. Salut Gandalf. Alors on a des échos, hein. Tu es populaire, hein. Tu es populaire, tu as des fans. D'accord, bah oui, c'est il paraît. y compris dans la gente féminine. Hein, Ah bah j'en doute pas. Astérix du coup, puisque tu prends la parole, salut à toi Asté. Salut les amis, salut à toi Gandalf. Émission nombreuse aujourd'hui. Hein. Donc vous imaginez ce que ça donnerait une émission à 7 participants si c'était 7 bambous-là ou 7 bougnoules. Et bah là vous allez voir, ça va être carré, cadré, nazi. Parfait. Ça va être blanc et professionnel. Exactement. Alors toi aussi, hein, t'as des fans, hein, je le précise. Eh bien, je les remercie. Je suis fan d'eux. Fulbert de Belgique, qui intervient quand il est stimulé, hein, il y a des bonnes réflexions, Fulbert aussi. Salut Fulbert. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Bon, on peut dire que t'es le national-socialiste de l'émission. Hein. Je crois que... Tombons les masques. Ah, c'est beaucoup d'honneur, merci. Salut Argyle. Salut Gandalf, bonjour à tous les auditeurs blancs et que les autres retournent dans leur pays pourri au fin fond du bled. Ah bah ça c'est de l'entrée en matière. Hopman, salut Hopman. Salut à tous. Et MacDav. Salut à tous chers amis démocrates. Oui, il faut faire monter le niveau de la démocratie. Je pense que démocratie participative... D'ailleurs, le concept progresse. Hein. Si vous regardez l'actualité, je vois que Robert Ménard à Béziers le reprend à son compte. Il est pour la démocratie participative aussi. Voilà. Donc, ça, c'est une idée qui fait son chemin. Peut-être en guest, mais bon, on laisse mijoter le truc, mais peut-être en guest bientôt sur notre émission. Mais j'en dis pas plus. Il a l'air d'être en roue libre là en ce moment. Ouais. Ne désespérons pas. Alors, première rubrique, classique, indéboulonnable, autisme radical. Je commence avec le premier sujet qui a retenu mon attention et que je soumets à la vôtre maintenant. Alors, le gouvernement français a caché que les gendarmes absents à Nice, donc les gendarmes mobiles qui devaient assurer la sécurité de Nice le 14 juillet, le jour où ont eu lieu les attentats, en fait, avaient été affectés à un dîner privé de François Hollande à Avignon. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était le moment du festival d'Avignon, je crois, quelque chose comme ça. Et bref, il était entouré de tout le showbiz et de tout le monde cultureux qu'il courtise activement en vue de sa réélection en 2017. Et du coup, on avait déplacé les gendarmes mobiles. Et du coup, le feu d'artifice qui se déroulait le 14 juillet à Nice, 5e ville de France, faut-il le rappeler, n'a pas eu la protection prévue. Et ça, c'est un député Les Républicains, c'est Ciotti, je crois, qui a obtenu cette révélation en commission parlementaire. Il a interrogé, je crois, des responsables de la police, je crois, l'IGPN, me semble-t-il, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Et il a demandé bah, comme, pourquoi n'a-t-on pas. Où étaient les fameux gendarmes en question? Où étaient-ils ce jour-là? Et c'est là qu'on a su cette information. Est-ce que vous avez suivi ça? Et bah, à brûle pour point, je veux une réaction sur ce truc qui est quand même une bombe. Hein. Bah, écoute, malheureusement, j'ai envie de te dire, on s'y attendait un petit peu. C'est-à-dire que bon, les militaires protègent les synagogues, les mosquées, les déplacements de François Hollande. Je pense que c'est attendu. Hein. Je crois qu'il n'y avait pas de gendarmes qui étaient présents. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que l'information est visiblement très connue. Bon, l'IGPN, hein, c'est quand même c'est des fonctionnaires au carré. C'est vraiment l'allié de la police. Hein. Enfin, on peut penser ce qu'on veut de la police, mais c'est vraiment le caca du caca. Moi, je pense que quand l'IGPN dit... Enfin, l'IGPN évoque un oubli, c'est quand même un petit peu se foutre de la gueule du monde, c'est pas un oubli, ça a été étouffé. Et je pense que malheureusement, le peuple réfléchit avec la mémoire d'un poisson rouge, mais en principe, ce type d'affaire devrait susciter une révolte, ouais, au moins aussi importante que ce qui s'est passé le 6 février 34. Ah, c'est... Enfin, il faudrait que ça réussisse ce coup-ci. Mais non, je suis d'accord avec toi. Y a... Bon, de toute façon, clairement, ça n'a pas été rapporté du tout, enfin, pas de manière satisfaisante par les grands médias. Et on l'a su grâce aux réseaux sociaux essentiellement. Hein. C'est surtout grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu avoir cette information. Quelqu'un d'autre veut réagir? Oui, moi, je veux bien. Ouais, vas-y. Bah, je voudrais surtout parler d'un truc qui est à peu près similaire. C'est une révélation d'un type de la BAC en Seine-Saint-Denis qui a là révélé ces jours-ci, c'était dans le Parisien je crois, qui a révélé que dimanche dernier, il y avait une seule voiture de patrouille de police dans tout le département de la Seine-Saint-Denis qui était disponible en cas d'intervention parce que les 40 autres étaient affectés à la surveillance des différentes synagogues du département. Donc, oh là là. Le département où c'est vrai que la criminalité, la délinquance est très faible, comme la Seine-Saint-Denis, il y avait une seule voiture de patrouille de police disponible en cas d'attaque, de je ne sais quoi, enfin, qui peut arriver dans ce département quasiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, je ne le savais pas du tout, ça. Ah, je ne le savais pas. Ah, c'est incroyable. Tous les véhicules affectés aux synagogues du département et une voiture de police disponible pour tout le département du 93. Donc ça veut dire dans le 93, ouais, si vous vous faites agresser, voilà, fuyez au plus vite, allez même dans un autre département. Ah non, allez à la synagogue. Si vous voulez avoir une chance de survivre ou d'avoir un commissariat qui ait le temps de vous accepter. Si vous êtes dans le 93, mettez-vous au noachisme, ils vous ont fait une petite place dans le chenil à Clébar, à côté de la synagogue, là, et il y a 2-3 vigiles pour surveiller ça. Les Français sont devenus des citoyens de seconde zone dans leur propre pays, on peut le dire. Ouais, le taux du mètre carré à l'achat au niveau immobilier va être très élevé en fait à côté des synagogues, parce que de dire tu habites à côté d'une synagogue, tu es quasiment certain d'être en sécurité 24 heures sur 24. Donc ça va augmenter le prix de l'immobilier. Alors qui possède l'immobilier les capitaux dans les rues où il y a des synagogues, je ne sais pas, hein, je voudrais être dans la gamme, mais c'est, bon, peut-être qu'il y a une bonne affaire à faire là-bas. En tout cas, ça montre les accointances entre les frères maçons et nos amis de la communauté, parce que dans la police, comme dans la gendarmerie, dans les hauts gradés militaires, il y a de très nombreux frères, mais très peu de juifs. Hein. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein, mais je crois pas me tromper, parce que dans l'armée, il faut faire les classes, et les classes, se traîner dans la gadoue, tout ça, ça n'a jamais trop tenté les frères Lévy et Shlomo et sa bande. Et dans la police, bon, c'est vu quand même, on va dire que dans une famille juive, les bons à rien, on les lance dans l'art, on leur fait faire de l'art moderne, on leur fait faire des tableaux avec leur caca, puis on vend ça pour des... Mais dans les familles juives, c'est quand même soit la médecine, soit les lettres, mais c'est vraiment la police qui est mise en avant. Bah écoutez, en tout cas, c'est une affaire qui est vraiment incroyable. Et là, silence radio aussi, hein, du coup. Parce que moi, même moi qui suis très vigilant, je l'ai même pas vu cette information. T'as vu ça où? C'était dans Le Parisien, un article de F. de Souche qui est sorti aujourd'hui ou hier. En fait, de Souche qui ne fait que reprendre des dépêches intéressantes. Et c'était dans Le Parisien, soit d'aujourd'hui, soit d'hier. D'accord. Bon, ben voilà. Extraordinaire. Bon, enchaînons ce sujet. Je suis désolé, Astérix, je vais enchaîner. Sujet numéro 2, déclaration de Manuel Valls. Attention, tout un programme. Je le cite, le Premier ministre socialiste. « L'islam est une part indissociable de nous-mêmes, de notre culture et désormais de nos racines. » Il était en déplacement à Évry et il assistait à un conseil local sur la laïcité. Alors, c'est pas une petite déclaration, ça. Hein, voilà, l'islam fait partie de nous-mêmes, hein, de nous-mêmes, notre culture et de nos racines. Donc là, on arrive sur la thématique identitaire. Il se place sur la thématique identitaire, mais pour la subvertir. Votre sentiment là-dessus ? Qui veut réagir ? Putain, mais il avait des bédouins qu'il braquait avec des kalachnikovs pour dire des conneries pareilles ou quoi ? Donc le type, alors c'est quoi ? La France, c'est l'avant-garde, ce sont les juifs, ensuite c'est les musulmans. On a quand même une petite part du camembert là-dedans ou rien du tout ? Faudrait lui demander. Bah, déjà, il a pris en cause sur le marché d'Evry pendant un temps. Bah c'est ce qui est assez fascinant, c'est-à-dire que lui est un catalan, c'est un immigré catalan naturalisé sur le tard, qui parle à des musulmans pour leur dire voilà, vous faites partie de l'identité française, des racines de la France, etc. Et le reste du temps, effectivement, il courtise agressivement certaines autres communautés. Mais effectivement, quand on en vient aux Français historiques, aux Français de souche, visiblement. Il reste pas grand chose, hein. Ça a pas l'air de l'intéresser beaucoup. Ah, voilà. Déjà, c'est un mec qui a aucune racine française qui vient me parler des racines de la France, quoi. Quelle est sa légitimité là-dedans? Voilà, il a un poste administratif de Premier ministre, ok. Mais fait voir qu'il parle des racines de la Catalogne s'il veut, quoi. Sans faire de psychologie, ce genre de mec qui n'a pas lui-même véritablement de racines a une certaine frustration et une certaine haine de ceux qui en ont, voilà, de ceux qui sont français depuis 1000 ans ou 2000 ans. Voilà, lui, il a été naturalisé en 84, il a ses racines espagnoles, il dit qu'il est attaché par sa femme de manière indéfectible à Israël. Voilà, pour lui, la France, ça n'a pas de signification. Pour lui, voilà, la France, c'est juste un endroit où il entend prospérer, mais rien d'autre. Il n'en a rien à foutre de l'histoire de France, rien à foutre du peuple de France, rien à foutre du patrimoine génétique des Français. Il faut bien se mettre dans la tête de ce genre de personnages, ou de genre toutes ces élites mondialistes et apatrides, pour ne pas dire plus. Tout ça, ils n'en ont rien à foutre de nous ce qu'on représente. Ils n'ont que d'ailleurs, mépris à notre égard. Il est tellement anti-France que dans ses alliés, il ne cherche jamais, parce qu'il a retourné sa veste plusieurs fois. Hein, il avait commencé pro-palestinien, ensuite ultra-sioniste. Là, je sais pas, il va sûrement vriller. Là, on le voit bien vriller à la, comment dire, les mecs dans le bouquin de Houellebecq, quoi. C'est-à-dire les gros soumis à l'islam qui s'imaginent qu'avec les dollars qataris, les dollars saoudiens, plus tout l'électorat musulman, il a peut-être une place à jouer, il a peut-être un bon coup à jouer pour l'avenir. Donc je le vois bien se soumettre intégralement. Donc en fait, le mec retourne sa veste, mais toujours avec des alliés contre anti-France, quoi. Jamais une seule fois il s'est dit qu'il y avait 55 millions d'électeurs potentiels si on séduisait les blancs. Blanc, il a déjà fait une croix dessus. De toute façon, c'est ses ennemis jurés, quoi. Enfin, les blancs, alors, les Gaulois en tout cas, hein, parce que lui, il a pas l'air de. Je pense que c'est blanc, c'est important de souligner un point, à mon avis, qui n'est pas assez mis en avant, c'est qu'il faut bien, qui était déjà mis en avant par les monarchistes, Maurras, etc. L'opposition, comme Fulbert l'avait rappelé dans une émission antérieure. L'opposition entre le pays réel, le pays légal, c'est-à-dire le régime, ses institutions, éventuellement son idéologie, et j'allais dire la France réelle, la France charnelle, et la population française historique. Ça, c'est important déjà de souligner cette différence. Et eux, et les gens comme Valls, sont des gens qui parlent tout le temps de République, c'est-à-dire qui parlent du régime et de la caste à laquelle ils appartiennent. Et ils insistent toujours là-dessus. Ils disent qu'il faut défendre la République, etc. Et quand on creuse et quand on voit ce qu'ils mettent derrière, en fait, on comprend très bien pourquoi ils opposent la République à la population historique. C'est parce que eux sont des métèques. et qu'ils prospèrent en tant qu'étrangers. Et ils ont très peur d'un réveil identitaire qui serait le fait des Français de souche, parce que leur légitimité serait remise en cause, évidemment, ou en tout cas interrogée, parce qu'on leur demanderait, attendez, vous venez d'où, etc. Et c'est, la question des racines, c'est ça. Et vos observations sont très pertinentes, à mon avis. Et il faut vraiment souligner le fait que cette République, aujourd'hui, telle qu'elle est, c'est vraiment le régime des métèques, et ils sont tous derrière, ils serrent les rangs derrière ce régime, parce qu'il y a la question de la légitimité autour du pouvoir, à mon avis. Dehors les métèques, comme disait feu François Mitterrand. Oui, c'est vrai, dans les manifestations, d'ailleurs monarchistes, hein, manifestations monarchistes. Ah là là, le temps béni, bref. Troisième point, chers amis, troisième point de cette rubrique autisme radical. Alors là, c'est assez comique. Vous avez vu, il y a eu une alerte enlèvement une espèce de... Alors, je ne sais pas quelle est son origine, mais enfin, c'est un Africain qui avait enlevé une très jeune enfant. Ce n'est pas un bébé, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment une petite gamine, quoi, qui visiblement était d'origine... Alors, je ne sais pas tellement, vous allez revenir là-dessus aussi, vous allez m'expliquer tout ça. Et ce monsieur, alors il a été recherché parce que il avait enlevé, et alors on avait précisé dans sa note de recherche qu'il était de race noire. Ça a déclenché une polémique à tel point qu'ils ont changé le ministère de la justice, me semble-t-il, c'est la justice de l'intérieur, je ne sais plus, a changé l'annonce en précisant qu'il n'était pas de race noire mais de couleur noire. Alors là, qui veut réagir sur cette polémique, enfin c'est peut-être dans un verre d'eau, mais tellement révélatrice l'ambiance française. En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que dire qu'il est de race noire, ça veut dire que les races existent, ça veut dire que il y a une identité, que le peuple français a une identité qui lui est propre et qu'il est donc de race blanche. On peut ne pas aimer Nadine Morano, on peut penser que ce qu'elle a fait la dernière fois, c'était vraiment un coup de publicité. Il n'empêche qu'elle a mis le doigt sur la question centrale. Et la question centrale, c'est que les Européens sont des blancs. Voilà. Et que tous ces gens-là, qui sont ici contre notre volonté, qui sont une force d'occupation, hein, eh bien, ne sont pas de chez nous, quoi. Et c'est bien pour ça qu'ils s'interdisent tout ce qui a trait à l'identité, quoi. Alors, Derek, est-ce que il était de race noire ou autre? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, oui, c'est... j'ai remarqué que c'était un nègre, effectivement. Je crois que c'était le père de l'enfant, hein, me semble-t-il, qui était assez... J'ai pas compris, père, parce que... Ouais. Ouais, mais attends, la petite était très blanche, j'ai pas compris. Ouais, mais c'est... Voilà, c'est... La mère est peut-être blanche. Mais ouais. Lui, il a un physique particulier, vous regarderez bien la photo, en fait, il a une tête d'arabe, il a la gueule de chameau d'un arabe, mais il a la peau noire. Alors, je sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais il vient peut-être d'une région particulière. Ouais, ça y est. Ça, ces gens qui ont des traits de chameau, mais avec des gueules de noir, ils viennent souvent de l'Érythrée, du Soudan, de la Somalie. Il y a beaucoup de gueules d'arabes noirs comme ça. Les points de contact, en fait, entre le monde arabe ou berbère et le monde nègre, en fait. Ouais, c'est quand il avait un peu la gueule du mec dont on s'est foutu de sa gueule, là, qui est derrière, qui est en prison. C'est le Jawad, là, qui avait hébergé les terroristes. Ouais, Jawad ouais. En noir, ouais. Voilà, un peu plus foncé, mais lui, le mec était déjà foncé comme ça, quand même. Hein. On sent qu'il était du sud de l'Algérie. Ouais, il y a aussi ça beaucoup au sud du Maroc, au sud de l'Algérie, c'est vrai. Alors, moi, ce que ça me rappelle, ce truc, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la pudibonderie antiraciste. Ça me rappelle cette fameuse phrase, cacher ce saint que je ne saurais voir. Là, c'est cacher ce nègre que je ne saurais voir. Donc, en gros, tu montes les photos, le mec, c'est évident que c'est un putain de nègre. Et il n'y a pas le droit de le dire, c'est-à-dire que tu ne dois pas dire qu'il est... Et alors j'ai regardé les commentaires de la presse officielle, qui s'indignait évidemment en disant que tous les Français étaient scandalisés par le fait qu'on utilisait le mot race noire. Alors moi je riais. Bah la preuve, oui voilà la preuve, nous sommes la preuve vivante que tout le monde n'est pas scandalisé. Hein. Et puis surtout, c'est vraiment le... Il y a tout un discours là-dessus, bon, nos auditeurs le savent, il y a tout un discours sur la négation de l'existence des races. Les titres jouent sur les mots, et là on est au cœur du truc, c'est qu'en fait... Là on est dans... Le négationnisme en fait, hein. Ah là on est tellement dans l'autisme radical qu'on est dans le sketch de Bigard, qui était un sketch prémonitoire, qui doit qui doit avoir été produit, fait dans les années 90, je dirais 95, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou justement, il dit de quelle couleur il est, le type, là? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Allez, bah, tu sais bien de quelle couleur il est. Peut-être noir. Non, non, non, je sais pas, non, non, je sais pas. Il fait le mec qui est déjà ultra flippé par le politiquement correct et qui n'ose même plus dire de quelle couleur est. Alors que je pense que c'était pas encore, je sais pas, j'étais peut-être trop jeune, mais je pense que c'était pas encore à ce niveau-là dans les années 95. Mais il avait sûrement dû voir le truc venir, étant donné qu'il fréquentait les bobos du show business. Il avait 10 ans d'avance, quoi. Donc voilà, on en est là, quoi. Là, maintenant, c'est la frayeur de dire. Quoique, j'ai l'impression. Enfin, je me demande s'il n'y a quand même pas une tendance inverse qui est en train de naître, là, quand même, depuis 5-6 ans, avec Internet, la libération de la parole. Je me demande si on n'est pas plutôt au mieux Oui, qu'il y a. mais le problème, si tu veux, c'est qu'il y a quand même une réaction institutionnelle qui... D'abord, c'est marrant parce qu'ils ont utilisé le terme race noire. D'ailleurs, le terme n'est pas très... Enfin, en raciologie, on va dire, le Ouais, on race en dit noire, ça veut pas... congoïde peut-être. Hein. Voilà, de race... voilà, bon, il y a Non, mais en fait, enfin, négro lit, je sais pas. le terme est bien utilisé par, enfin, pour qui est là un message qui est destiné à être assez bref et compréhensible par tout le monde pour retrouver la petite fille. Tu mets race noire, voilà, je sais pas, tu dis bah, si tu dis l'individu est un noir, enfin, il faut bien que tu dises que le mec est Ouais. noir, quoi, quelque part. Hein. Bah non, Ah, maintenant non. Et d'ailleurs, c'est intéressant. vas-y, Magda. Mais alors, c'est Hervé Lebras, donc vous savez, c'est cet Ah! ignoble démographe rouge, enfin vraiment une caricature Je de crois qu'il est breton gauchias. en plus. Je suis Ah, pas ben. sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ah, bah, c'est le meilleur de la Bretagne qui a dit les statistiques ethniques risquent de donner plus de prise aux préjugés. Donc, le mec est démographe, qui se sert des statistiques en français tous les jours, et nous dit que, bah, au final, il va falloir interdire les statistiques ethniques, car les statistiques ethniques donnent prise aux préjugés. Donc, ça transforme des préjugés en jugements vérifiés. Alors, Il si faut tu creuses dans l'interdire. son propos, c'est intéressant, ça fait l'injonction avec ce qu'on dit, parce qu'il parle des États-Unis. Et alors, il dit, ouais, aux États-Unis, effectivement, ça existe les statistiques, etc. Mais les gens ont intériorisé l'existence des races, et du coup, comment dirais-je, ils s'organisent sur une base raciale, etc. Et en fait, ils pleurnichaient, parce que malheureusement, en fait, les réalités raciales revendiquées en fait par les Noirs eux-mêmes, les Latinos et autres aux États-Unis, en fait, sont un frein à la création d'une humanité, comment dirais-je, une et indivisible, telle qu'évidemment le prônent tous ces marxistes. Et alors, il était très très colère. Et il dit non, en France, il faut vraiment maintenir cet interdit. Et il dit d'ailleurs, hein, les immigrés ne veulent pas revendiquer leur appartenance raciale. Ah, tiens, le port du voile, qu'est-ce que c'est alors? Non? Bah, je sais Je crois pas, qu'il a. si je me souviens bien, moi j'ai vu la brigade anti-négrophobie quelque part en Île-de-France il n'y a pas très longtemps. Ils étaient prêts d'ailleurs à prendre d'assaut une gendarmerie parce qu'ils avaient touché comment dire, ce nouveau Malcolm X, Adama Traoré, un intellectuel très connu. Bon, bah, visiblement, non, ils revendiquent pas leur appartenance raciale, c'est une. Et moins rigolo que la brigade anti-négrophobie, il y a quand même la bonne femme, la Fort-de-France, qui a des responsabilités au ministère de la Justice, si je dis pas de bêtises, qui a quand même dit à la radio que les Blancs étaient sortis de l'humanité. Ah, C'est-à-dire, tiens. Ah! Ouais. J'ai raté ça. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais en fait, elle était interviewée donc par un autre congénère de Fort-de-France, si je dis pas de bêtises, et elle a dit que nous étions sortis de l'humanité parce que nous n'étions pas capables de nous reconnaître dans les Noirs. Voilà. C'est formidable. Donc, les Blancs ne sont plus des humains, en fait. Voilà. Mais là, ils inversent totalement. C'est-à-dire que c'est évidemment, on est des hommes précisément parce qu'on n'arrive pas à se reconnaître dans les nègres. Enfin bon, c'est vaste sujet. Oh, extraordinaire, Perdent leur messieurs. complexe, voilà, ils se sentent à l'aise. Alors arrêtez un peu de les stigmatiser. Enfin, ils rentrent, voilà, dans une logique on se décomplexe et finalement, bah voilà, ils sont dans l'optique de là, on va crever du blanc, donc Non mais. la parole se libère. Non mais enfin voilà, avoir appris aux nègres la langue française, ça a été le truc le plus rigolo de ces derniers millénaires, quoi. Maryse Duhamel, je crois qu'elle s'appelle, hein, Maryse apparemment. Duhamel, ouais. Attends, regarde, moi, cette tronche, si vous voulez rechercher dans Cela Google. dit, C'est beau. Cela dit, la petite minute antiraciste de l'émission, j'avais écouté dans une interview de Lavier qui disait un truc qui m'a fait réfléchir. Les Noirs, malgré toutes leurs déficiences cognitives, ont quelques facultés, mais non négligeables, à apprendre en tout cas les rudiments des langues. C'est vrai que je vois par exemple qu'en Suède ou en Finlande, des négros fraîchement arrivés qui ont 1 an, 2 ans dans le pays parlent des langues qui leur sont très très étrangères quand même, hein. Le finlandais pour un Somalien, c'est très compliqué, et ils parlent ça, l'anglais, un peu l'arabe. Ce sont des nomades, hein, ils sont. Alors c'est, je vous dis pas qu'ils vont vous traduire les grands philosophes. À mon avis, tu dois t'enflammer un peu. Ils doivent apprendre les mots comme, comment dirais-je, ANPE, des trucs comme ça. Argent, manger, boire, femme, dormir. Non, voilà. Je crois qu'il y a un truc. C'est quand même, dans toutes les possibilités cognitives, ils ont tellement de déficiences qu'il est possible qu'ils aient quand même quelques cases allumées, quoi. Et en langue étrangère, je crois qu'ils sont pas si mauvais que ça. En tout cas, certains Noirs, peut-être les Noirs qui ont été les plus nomades, vous savez, qu'on développait, je sais pas, mais j'ai cette impression. Et de la vie en parlait. De la vie, c'est ça. Ouais, bon, Astérix. On sent que ça tient à cœur, mais on va enchaîner. Alors, comment dirais-je, je voulais juste conclure le petit propos, quand même, sur quand même le propos d'un communiste, ça compte, hein. C'est le député du Puy-de-Dôme, André Chassaigne. Voici ce qu'il déclare, il dit « Le mot race est souvent utilisé pour décrire une caractéristique physique, mais cette sémantique alimente un discours du rejet de l'autre, et donc il demande instamment d'interdire, comment dirais-je, dans toute la législation française, ce terme, parce que il existe encore, donc faut quand même rendre à César ce qui est à César, et remarquer que les communistes, une nouvelle fois, sont à la pointe, quoi, du combat pour la négrification complète de l'Occident, quoi. Si je peux rebondir 30 secondes là-dessus, et ouais. Je vais rendre à César ce qui est à César, donc je parle bien d'Aimé César, le chantre de la négritude, hein, qui lui-même utilise le terme nègre sans aucune vergogne, puisqu'il préfère, puisqu'il est noir. Aimé César donc, disait donc que lorsqu'il y avait des métropolitains qui venaient dans les dom-toms et que les gens des dom-toms, donc des noirs, partaient en métropole pour travailler, qu'il y avait un génocide par substitution de population. Et donc c'est très marrant parce que Aimé César peut avoir une identité raciale, vouloir défendre cette identité raciale, pour protéger ce qu'il estime être les siens, mais nous non. Ouais, c'est bien sûr, c'est bien observé. Deuxième rubrique. Je pense que cette rubrique a vocation à se développer puisque c'est la rubrique élection présidentielle 2017. Alors il y a des petites anecdotes comme ça qui valent le coup d'être relevées. Alors celle-ci, hein, je vous la livre. À l'invitation de la direction de l'AFP, Nicolas Sarkozy a déjeuné mardi 18 octobre au siège de l'agence France Presse, en compagnie de journalistes de la rédaction. Selon plusieurs sources contactées par l'Obs, donc le journal, l'ancien président de la République a prononcé cette phrase « Mon électorat est populaire, ce sont des ploucs ». Alors, qui veut réagir? Des ploucs ou descendants? Ah oui, tu choisis, oui, tu choisis. Soit c'est descendants, voilà, ça c'est plutôt Hollande, soit c'est effectivement les ploucs. Ça, c'est plutôt le comment dirais-je, notre le Hongrois de Salonique. Voilà, ouais. En même temps, il pouvait pas être plus dans le vrai. Les gens qui votent Sarkozy sont vraiment des ploucs. Souvent des ploucs qui ont réussi. Hein. C'est souvent des nouveaux riches, des petits entrepreneurs de merde, des mecs qui tiennent des arnaques sur Paris, des salons. Enfin bref. Des petits parasites du monde moderne qui ont réussi à grimper sans aucune compétence et que Sarkozy séduit, quoi, avec son discours. Derek, vas-y. Ouais, non, crache ton venin sur Sarkozy. On parlait de Valls tout à l'heure, le métèque, hein, le semi-métèque, on va dire, de Catalogne. Là, Sarkozy, moi, je... Sa gueule ne me revient toujours pas après plusieurs années. J'ai beau le voir, on aurait pu dire que ça avait fait vaccin à force, hein, à la télévision, etc. Non, il y a vraiment une gueule immonde. Voilà, c'est ce mec. Il y a une partie de son visage en particulier qui te revient pas? Ah ben ouais, tout ce qui, tout, le nez, les oreilles, les yeux. Non, c'est vrai que c'est une totalité. Ouais. Ah bah lui c'est vraiment une caricature. Mais il y a quelque chose qui me frappe avec Sarkozy, peut-être que les auditeurs l'ont pas remarqué, il a les yeux bleus. Et il a tellement une tronche de métèque, il a tellement une tronche de merde, que en fait, à chaque fois que je le remarque, c'est comme un poisson rouge qui vient de faire le tour du bocal, à chaque fois que je le remarque, c'est nouveau. Parce que sa tronche de métèque me le fait oublier instantanément. Donc à chaque fois, je suis choqué, je fais « Oh putain, l'enculé a des yeux bleus ». Et puis, 3 secondes après, si je le remarque encore, j'aurai la même surprise. Regarde. Mais comment le. Ouais, Sarkozy, exactement comme disait Derrick, on est dans le même phénomène de métèque sans racine que Valls. On est. Le type, lui, n'a pas trop de racines. D'ailleurs, c'était Carla Bruni qui avait déclaré qu'elle aimait bien les bâtards. Bon, voilà, elle l'avait déclaré hein, en parlant de son mari, qu'elle aussi avait des origines diverses, que son mari aussi. Donc, c'est des gens qui ne se retrouvent évidemment pas dans le peuple français et qui le méprisent au plus haut point. Donc, il n'y a pas forcément non plus d'autres aussi, d'autres que lui le méprisent. Mais c'est certain que tous ces types-là méprisent même leurs propres électeurs. Donc qu'il ait déclaré ça, je ne serais pas étonné, mais j'ai un peu de mal à comprendre quand ils connaissent voilà, l'éthique des journalistes et quand on leur parle en off, il est évident que ça va ressortir à un moment ou à un autre, comment ils arrivent à lâcher des trucs comme ça. C'est une erreur de débutant, parce que tu sais très bien que quoi que tu puisses dire devant un journaliste, ça ressortira soit le lendemain, ou dans 10 ans ou dans 15 ans, quoi. Donc normalement, dès que tu es avec un journaliste, bon, ils ont l'habitude aussi, les hommes politiques en général, de coucher avec, hein. Mais voilà, tu fais quand même un peu attention parce que ça, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Le journaliste a dû se précipiter d'aller répéter ça, ou alors c'est parti tout seul, mais je pense il doit le penser véritablement. Oui, s'il se tire une balle dans le pied, on voit ça effectivement, ça a un effet négatif à l'instant T. Dans une semaine, tout le monde aura oublié quoi, cette Ah oui, c'est phrase-là. sûr. Par contre, ça peut, ce genre de petite sortie, tu vois, ça peut t'attirer une certaine sympathie du côté justement des journalistes. Parce que eux aussi, au niveau appréciation hein, du peuple français, voilà, ils aiment pas trop ça, quoi. Hein, c'est parce qu'on va Alors, pas se mentir, c'est majoritairement de gauche, quoi. moi je m'interroge, c'est-à-dire qu'est-ce que dans le mot plouc, est-ce qu'il n'y met pas une dimension raciale? Ah bah oui, des blancs, oui. Oui, Ah ben je un sémite pense. ne peut pas être un plouc, un sémite il a le vice dans le sang. Pour lui un plouc c'est quoi? C'est un goy, c'est un goy plus plus, c'est-à-dire c'est le mec qui se fait sans arrêt entarté, qui est le dindon de la farce quoi. Le gars qui est franc, c'est-à-dire que même une crapule avec 80 de QI, à partir du moment où c'est une crapule, qu'il a le vice dans la peau, qu'il a le diable dans la peau, il est respectable, il faut le craindre. Chez ces gens-là, il n'y a que le rapport. Vous savez, normalement, on aime pour la beauté, on respecte pour la sagesse, on craint pour la force. Mais eux, ils craignent, ils respectent pour la force. La sagesse, ils connaissent pas. Donc, crainte et respect chez eux, c'est mêlé. Donc ils ne connaissent que ça, et une crapule avec 80 de QI est plus dangereuse qu'un mec droit franc du collier avec 120 de QI. Donc chez eux, c'est la franchise qui détermine que vous êtes un sous-homme. C'est la droiture. Bon, sur ces, on continuera hein, comment dirais-je, tout au long de cette campagne présidentielle à revenir sur les déclarations des uns ou des autres. C'est sûr qu'on aura de la matière. Troisième rubrique, chers amis, la rubrique soumission. Nouvelle rubrique, mais qui me paraît pertinente. Alors là, je cite, hein, je lis en bloc un élément de presse. Et c'est une réaction de Finkielkraut. Alors, je sais qu'Astérix, c'est déjà là, il a déjà les griffes sont déjà sorties, mais je cite quand même. Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, en fait, l'Église catholique a voulu apporter sa vision sur la société, les orientations nécessaires à la veille de l'élection présidentielle. Et comment dire, voici ce que dit Alain Finkielkraut. Donc je cite, pour Alain Finkielkraut, en fait de leçons de politique, on apprend par l'Église de France que c'est l'agressé qui est coupable de l'agression dont il est victime, donc en fait par les musulmans, et en guise de dialogue théologique ou politique avec l'islam, c'est à la soumission compassionnelle qu'elle nous invite sous les applaudissements de l'Église médiatique. Alors, on peut élargir même le débat, hein, je veux dire, plus largement, opposition des évêques, etc. Mais j'ai trouvé le propos de Finkielkraut. Alors évidemment, certains peuvent dire c'est intéressé, etc. Mais le propos, je le trouve très correct, très juste. Et j'ai trouvé cette expression soumission compassionnelle très pertinente. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est totalement ça, c'est une soumission. Enfin moi je l'ai vu face à l'islam, face. Moi ce qui me choque le plus, parce que l'islam, on va dire que si les territoires étaient pas tellement mêlés et que si les chrétiens d'Orient étaient traités comme ils avaient l'habitude d'être traités dans les terres musulmanes ces dernières années, c'est-à-dire correctement là chez Bachar, chez Kadhafi, tout ça. Bon à la rigueur avec l'islam être relativement pacifiste, pourquoi pas. Mais là, ce qui est très choquant, c'est qu'il se mêle de politique. L'islam, c'est on est dans le religieux. On rend à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Le problème, c'est que là, il se prend pour César quand il se mêle de l'immigration. Quand je l'ai vu là, nettoyer les pieds quasiment avec sa langue, nettoyer les pieds des migrants, là, je sais pas, genre Là, espagnol tu qui parles du n'enchappe pape, la tu gale. parles du pape, hein. Tu parles du pape François, premier. Hein. Oui, Tu parles de l'immonde agent mondialiste de Bergoglio. De toute façon, avec un mec comme Bergoglio, c'est évident que les évêques les plus ambitieux vont aller dans le sens de cet immonde pape qui est véritablement un agent de l'invasion, un agent mondialiste. Donc, les évêques les plus gourmands de prébende vont évidemment aller dans un sens de soumission absolument insupportable. Je ne vois pas comment des gens saints peuvent se retrouver avec de tels dirigeants spirituels. C'est des gens, ils sont corrompus jusqu'à l'os, ils sont véritablement les artisans de la destruction de tout ce que représente notre civilisation en étant un accélérateur spirituel de l'invasion et de l'islamisation de l'Europe. Ces gens-là sont des collaborateurs au même titre que les pires des gauchistes. Il faut rappeler d'ailleurs qu'on est quand même dans un pays, c'est-à-dire que la France, où pas plus tard que cet été, un prêtre a été égorgé pour la première fois par des djihadistes. Donc il y a quand même un contexte et de voir un texte sorti qui est explicitement édifié contre, enfin créé, constitué contre le Front National. Alors à tort, à raison, on s'en fiche du programme du FN, c'est pas le sujet du truc là. Mais le but, c'est clairement de prendre position contre le Front National, pour l'immigration, pour les migrants, parce qu'on est aussi en pleine catastrophe migratoire avec ces millions de migrants musulmans, qu'ils soient africains ou orientaux, qui Clandestin, hein, s'il arrivent, te plaît. Clandestin. ouais, clandestins, voilà, qui se bousculent aux portes de l'Europe, qui y pénètrent, que ce soit par l'Italie, la Grèce et l'Espagne. On est dans cette situation apocalyptique et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce texte complètement lénifiant tomber, voilà, avec tous ces, parce qu'il faut regarder les têtes des évêques. Hein. Quand on regarde Barbarin, on est très loin des croisades. Hein. On est quand même face à une espèce de cureton socialiste diarrhéique. Je sais pas à quoi il carbure, mais il a le teint jaunâtre. Dès qu'il peut s'afficher avec deux trois crasseux à barbe, il se précipite. Enfin, on est vraiment face à quelque chose d'assez terrifiant. Quand on se place dans l'histoire longue du catholicisme en France, là, c'est vraiment, on peut le dire, c'est vraiment la fin, quoi. Et moi, ça m'a évidemment choqué. Et je relève que Finkielkraut, évidemment, il défend sa synagogue, hein, c'est logique. Enfin bon, c'est pas parce qu'il défend cette synagogue que son propos n'est pas juste. Et j'ai trouvé son propos très très lumineux, c'est-à-dire que ce ramassis d'évêques à demi-marxistes nous propose ni plus ni moins que la conversion molle à l'islam, ou en tout cas de raser les murs face aux musulmans, qui aujourd'hui en France assassinent non seulement les prêtres, mais aussi des civils. C'est fou. Et le problème de Finkielkraut, si tu veux, c'est qu'ils sont deux dans sa tête et à eux deux, ils nous prennent un sandwich parce que là, ils nous disent ça. Mais si l'Église catholique prend un discours de croisée, tu sais très bien que ce sera le premier à chialer aussi. Donc Ah le mais ouais, problème, c'est je veux qu'avec dire tous les mecs qui habitent dans sa tête, il arrive à nous coincer et à Oui. nous bloquer toutes les portes. T'en fais pas, t'en fais pas. Mais comme j'ai dit, c'est pas sur Finkielkraut, on aura probablement l'occasion de reparler de lui. Mais je veux dire, voilà, moi j'ai trouvé ce propos-là bien parce que bah, j'ai pas vu tellement d'opposition. Enfin, si Marine Le Pen, je crois, a pris position contre les évêques, je sais plus ce qu'elle leur a dit, mais en gros, elle leur a dit occupez-vous de vos affaires. En gros. Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Et vraiment à distinguer, surtout qu'il s'occupe, à la rigueur, qu'il y ait un dialogue entre le pape et certaines élites musulmanes, certaines élites bouddhistes, machin, qu'il y ait un dialogue interreligieux, ça, pas de problème, c'est le religieux. Mais le pape n'a pas à se mêler de politique, qui parle pas d'immigration et tout ça, ça doit être sanction. radical quand il parle d'immigration. Moi, je voulais monter des trucs où on va à 20 dans des églises et dès que le prêtre fait un sermon politique, les 20 se lèvent sans faire un bruit et ils se cassent en même temps pour marquer le coup dans plusieurs églises, comme ça, faire Bah, un il faut cimetière. savoir un truc, c'est que dans la plupart des homélies aujourd'hui, le dimanche, et ça fait des années, c'est il y a toujours un laïus sur les migrants, les Oui, toujours, clandestins, toujours. quoi. Et là, faudrait se C'est, lever ça à 20 revient et se barrer. constamment, c'est-à-dire contre le rejet de l'autre, etc. Enfin, t'as l'impression d'être dans une réunion de travail du Parti socialiste, hein. C'est complètement délirant. Enfin bon, on passe enfin au dernier sujet avant la pause, chers amis. Alors, rubrique culture, hein, culture populaire. Le manque de diversité, je cite un article de 7 sur 7.be, donc comment dirais-je, un média belge, le manque de diversité dans Game of Thrones est inexcusable. Alors, je cite donc l'acteur qui s'appelle Cal, je sais pas comment il écrit ça, Non, non, non, Cal non, attends. Drogo. Attends. Non, l'acteur, c'est David Oyelowo, hein. C'est un nègre, hein. Khal Drogo, Ah, c'est... autant pour moi, autant pour moi. Oui, Ouais, voilà, ouais. autant pour moi. Oui, effectivement, oui. C'est l'acteur David Oyelowo. Mais c'est imprononçable, leur truc. Les producteurs de Game of Thrones n'ont aucune excuse. Donc, je cite donc ce sale nègre, parce que là, j'ai le droit de l'insulter, là, j'ai le droit. Ils incluent bien des personnages de couleur, donc c'est une décision consciente de les mettre en marge au lieu de leur donner un rôle central dans les intrigues, même s'il s'agit d'un monde où ils sont souvent considérés comme des serviteurs. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir leurs propres histoires. Il suffit de changer le point de vue, a-t-il déclaré dans une interview sur le site Radio Times. Il n'y a aucune excuse pour qu'un monde imaginaire tel que celui de Westeros n'utilise des personnages de couleur que pour des seconds rôles sans importance. Donc ça, c'est un acteur noir britannique qui crise, en fait, qui fait sa colère, parce qu'en fait, Game of Thrones a cartonné. Et pourquoi ça a cartonné? Bah parce qu'évidemment, ça se réfère à l'imaginaire européen. Les Européens s'y retrouvent, ils adhèrent. Et évidemment, cette espèce d'immonde parasite, son orgueil en prend un coup. Et alors, il exige, il veut des mesures, etc. Bah, c'est jamais que toute l'histoire de leur putain de tribalisme Alors, parasitaire, quoi. je pense que le mec, il est dégoûté pour une seule raison. C'est que dans Game of Thrones, le mec incarnait un riche nègre qui avait réussi avec ses affaires et il essayait de se taper la magnifique blonde dont tout le monde rêve en fait. Et finalement, elle l'enferme pour crever dans un coffre-fort. Donc je pense qu'il a les boules que son personnage se soit arrêté là. Mais sinon, histoire de ne pas déconner, il faut voir à quel point... Il y a vraiment une OPA en fait sur l'imaginaire des Européens. Vous connaissez le dessin animé Frozen? Frozen, c'est pareil, ça se réfère à l'imaginaire européen. Je veux dire, bon, une princesse des glaces, excusez-moi, princesse des glaces, ça peut pas être le Kilimandjaro en Afrique, quoi. Hein. Bon, eh bien, il y a quand même des gens qui ont réussi à se plaindre du fait qu'il n'y avait pas de gens issus de la diversité à l'intérieur. Et je pense qu'il faudrait juste qu'il y ait une contre-offensive culturelle venant de la base et qu'on dise à ces gens, allez vous faire foutre. Quand on regarde Kirikou, on demande qu'il y ait des grands blonds aux yeux bleus. Donc quand on regarde quelque chose qui est inspiré de notre histoire, de notre identité, eh ben ouais, il n'y a que des blancs. Et si ça vous plaît pas, allez vous faire enculer. Merci. Eric. Alors moi, je trouve la sortie donc du noir avec le nom en onomatopée un petit peu à côté de la plaque. Parce que bon, il y a une ligne de fond, quoi, tu vois, la blonde, la princesse blonde. Daenerys, hein, qui a pour projet de libérer des millions de métèques, hein, pour déferler sur la terre où y a tous les royaumes, les anciens royaumes. Donc voilà, c'est le projet de la série, quoi, c'est d'amener des hordes de métèques sur ce qui ressemble à l'Europe. Donc en termes de série pro-blanche, on a fait mieux. Intéressant, ça, intéressant. Argyle, tu voulais réagir? Ouais, alors moi je vais pas intervenir sur la série Game of Thrones que je ne connais pas. En revanche, je voudrais donner une piste aux associations de défense des Noirs. C'est que j'ai remarqué qu'il n'y avait jamais de pub pour des parfums où ils utilisaient des Noirs. C'était toujours des Blancs, que ce soit parfum pour homme ou parfum pour femme. Alors, je trouve ça totalement scandaleux parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas associer un truc qui sent bon à un Noir. Donc je pense qu'il y a une piste pour eux pour obtenir réparation et qu'on mette des noirs qui vendent des parfums. Alors pas sûr que ça fasse vendre, mais en tout cas c'est quand même un scandale. Alors, par contre, là, Pas du bien coup, vu, toi. on peut retourner l'argument. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah, vous utilisez le noir pour la pub, pour le parfum, ça voudrait donc dire que les nègres puent. Ah, j'avais pas pensé dans ce sens-là, quoi. Mais moi, je pense que d'un point de vue commercial, tu mets un noir et avec un parfum n'importe lequel, et je suis pas certain que les gens achètent, même les noirs, en se disant, putain, ah non, si je mets du parfum, c'est pour plus sentir ça, quoi. Bon, voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur l'Astérix Tu devrais bosser pour une association antiraciste, t'aurais gagné des ronds. Ouais, bah écoute, je vais peut-être y penser. Bon, ce qui va être chiant, c'est que je suis blanc. Mon seul défaut, c'est que je suis blanc. Ça va être un peu compliqué, mais c'est encore possible. Non, mais, quelqu'un veut réagir encore sur le Bah, sujet? moi, écoute, dans le genre d'aberration, vu que ces associations vont très très loin, elles veulent apparemment coller des noirs là où l'histoire est censée être l'histoire de nos ancêtres. Ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé. Le héros Mannerheim, pour ceux qui connaissent, alors moi je suis pas un spécialiste d'histoire. Si quelqu'un d'ici veut faire un petit débrief sur le personnage, je crois que c'est un chef de guerre finlandais, enfin ça j'en suis sûr, mais qui a lutté contre les bolcheviks, il me semble. Faut savoir que les bolcheviks, c'est la guerre qui fait qu'on doit respecter les Finlandais pour l'éternité, parce que c'est une guerre où il y a eu 10 bolcheviks. 10 Russes de mort pour un Finlandais. Donc là, c'est l'efficacité nordique, c'est blanc et professionnel, quoi. Et je crois que Mannerheim était un chef de guerre à cette époque-là, mais peut-être que je me trompe, je suis vraiment nul en histoire, peu importe. C'est évidemment un Finlandais, malgré son nom qui pourrait nous faire croire que peut-être qu'il est de la tribu, mais bon, c'est bien un Finlandais, hein. C'est juste un Finlandssvensk, je crois. C'est un nom suédois, quoi, un peu. Et il a été incarné par un noir dans un film. Vous me croyez pas. Vérifiez ça, Mannerheim, joué par un noir. Donc les cons savent tout, les antiracistes savent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ah bah Ouais, la dans résistance le. héroïque des généraux nègres face à l'invasion bolchevique en 1941 en Finlande, oui, ça c'est... Voilà. Dans la lignée de Jules César. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Argel, parce que en fait, l'univers des séries et des races, ça intéresse beaucoup les gauchistes. T'as deux mecs, des plumitifs universitaires, des branleurs de Sciences Po, qui ont sorti un bouquin qui s'appelle La question raciale dans les séries américaines. Et en fait, quand on présente des noirs dans les séries, c'est une série pour noirs. Et les séries qui ont du succès chez les blancs, ce sont des séries de blancs. Enfin, je sais pas moi, True Detective ou Breaking Bad, ça met quand même en scène des blancs. Donc, dire, même les séries représentent la réalité raciale. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais ça fait chier les gauchistes. Alors, quand il y a une diversité raciale, ces mêmes enculés de Sciences Po, là, dire les gauchias immondes, ils se plaignent. Parce que on ne met pas assez en avant les inégalités raciales. On présente une sorte d'utopie qui n'est pas réelle, où les gens s'entendent bien entre différentes races. Donc quand c'est A, ça va pas, et quand c'est B, ça va pas non plus. Juste un petit truc, et ça ne concerne pas les races pour une fois, mais ça participe du même phénomène, c'est-à-dire la destruction des sociétés traditionnelles européennes. Je suis un grand amateur des sociétés, des séries américaines, et là je reprends là. Et toutes les séries que j'ai vues, quasiment, dans toutes ces séries, il y a une histoire d'homosexualité. Je veux dire, je ne sais pas combien il y a de PD dans les populations, il y en a voir quoi, 1 ou 2%? Mais à chaque fois que tu regardes une série, putain, t'as toujours une histoire de PD ou une fille qui va faire un truc avec une autre, t'as envie de dire. Et ça, sans déconner, c'est ça la force des anti-blancs, c'est cette capacité à avoir un outil de propagande qui nous tape tous les jours sur le ciboulot, quoi. Que ce soit sur les questions raciales, que ce soit sur les questions du chantage moral, que ce soit sur les questions sexuelles et compagnie. Les mecs sont bons, hein, franchement. Mais j'en ai plein Bah, chez moi. Même là, quand. là, comment dire, mais ce que je voudrais dire sur le sujet, c'est que c'est une arme de Hollywood et la production audiovisuelle américaine est une arme évidemment de propagande, déjà, premièrement. Bon, j'enfonce une porte ouverte, mais il faut quand même le rappeler. Donc, ils véhiculent non seulement des valeurs ou des contre-valeurs, mais aussi un projet politique. Et quand tu parles des gauchistes, etc., qui parlent des homosexuels, il faut juste comprendre que tous ces révolutionnaires, généralement qui viennent donc de la gauche du Parti démocrate ou hein, de certaines minorités, il y a toujours l'idée de coaliser toutes les marges possibles et imaginables contre l'ennemi à abattre, qui est en fait l'homme blanc, hein, l'homme, je dis bien l'homme blanc, pas la femme blanche, hein, c'est encore au-delà, c'est l'homme blanc. Voilà, c'est ça qu'il faut abattre. Donc, on utilise tantôt des minorités sexuelles, tantôt des minorités ethniques, raciales ou religieuses. Et alors, si on peut effectivement dévaloriser tout ce qui fonde la société européenne, enfin, et la culture européenne, ben on le fait évidemment. Et on survalorise des trucs qui n'existent pas, hein, comme le génie nègre dans les films américains. Je veux dire, maintenant vous regardez les films américains, bon ça c'est des normes. C'est-à-dire que le nègre maintenant, il est, je veux dire, il est général d'armée, il donne des ordres à des troufions de Marines blancs, vous voyez, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les génies sont des noirs, les preneurs de décision sont des noirs. C'est systématique. Regardez dans les séries, hein. C'est vrai pour le Le mentaliste. juge, Enfin, le commissaire et le général est toujours un noir, et de voilà. plus en plus le président aussi. Voilà, Mais donc t'as certainement. ça, les latinos, etc. Et bon, ça revient. Et pourquoi? Bah, c'est parce qu'on veut t'acclimater à leur projet de société, qui est en fait de faire de toi et de ton peuple, non seulement j'allais dire une plèbe de seconde zone dans ton propre pays, mais en plus comment de t'accommoder du fait d'être gouverné par des minorités qui profondément te détestent, en plus. Tu vois. Donc tu dois te Ouais, trouver normal à être exploité. ils sont tellement astucieux dans leur propagande, là, ces espèces de minorités, ces mecs à la marge, ces tarés, que même quand un ennemi s'impose comme ça et qu'il devient de fait l'ennemi de tout le monde, comme par exemple les terroristes après les attentats, les mecs arrivent toujours à te glisser une avancée contre-civilisationnelle en te plaçant le droit des homosexuels, l'égalité entre l'homme et la femme. Donc même dans un combat, tu vois, ils arrivent toujours à glisser leur merde idéologique, même dans un débat qui devrait être sain contre un ennemi qui terrorise la population française, les mecs vont nous glisser le droit des fiottes. Tu vois. Ils sont partout, quoi. Bon, chers amis, on se retrouve après une pause musicale pour le débat de la semaine qui va concerner ce mouvement des policiers et de tout ce qui peut y avoir trait. À tout de suite, chers amis. Je suis dans la police à Nanterre, je suis brigadier, je travaille le jour, je touche mon salaire de fonctionnaire. Le poste est juste en bas d'une tour, d'où les bougnoules nous jettent des pierres, d'où ils balancent des frigidaires. Et même après 20 ans de carrière, en ayant fait preuve de bravoure, je suis même pas devenu commissaire. Parfois j'aimerais tout foutre en l'air, pouvoir revenir. Même si au fond je suis quand même fier. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais m'en aller de cet enfer et me réveiller un beau jour, un bon demi-siècle en arrière. Et faire un peu comme mon grand-père. Lui, il avait un cœur de pierre. Lui, c'était un vrai tortionnaire. Pour m'en aller en héros. Nous revoilà pour cette deuxième partie d'émission consacrée au mouvement des policiers. Alors, mouvement, en tout cas, il n'y en a pas souvent des mouvements comme ça. J'ai souvenir que en 2002, hein, durant la dernière année du gouvernement Jospin, on avait eu un mouvement des forces de l'ordre comme ça, hein, qui avait aussi un mouvement de ras-le-bol. C'est, à l'époque, le ministre de l'Intérieur devait être vaillant, me semble-t-il. Mais c'est vrai que c'est inédit. Alors, mouvement de policiers que vous avez tous suivi dans les médias, spontané, hein, c'est un mouvement spontané qui a commencé, je crois, lundi, dans la nuit de lundi à mardi, sur les Champs-Élysées, me semble-t-il, où les policiers de la région parisienne, ou en tout cas de Paris, ont tenu à manifester leur ras-le-bol en descendant dans la rue. Ils étaient quelques centaines, me semble-t-il, et il y a eu un phénomène, j'allais dire, de contagion, puisque très rapidement, dans toutes les grandes villes de France, durant toute la semaine, des policiers se sont rassemblés au pied de leur commissariat pour manifester leur mécontentement. Et ils ont une pose typique, hein, c'est-à-dire qu'ils s'alignent les uns les autres, coude à coude, le dos face à la caméra. C'est assez révélateur, ça, le fait que les policiers ne montrent pas leur visage. Ça veut dire clairement qu'ils ont peur de représailles de la part du gouvernement. Donc déjà, ça en dit long sur le climat ambiant. Et pourquoi ils se mobilisent, évidemment, la plupart de nos auditeurs le savent, mais c'est par rapport évidemment à l'attaque au cocktail Molotov de deux voitures de police à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Il y a des images qui circulent, je vous invite à les regarder. On voit les deux policiers s'extraire des véhicules pris en charge par les pompiers. Notamment, il y a l'homme qui a littéralement la moitié du visage noir. Brûlé par du liquide inflammable. Et en fait, c'est la réaction du gouvernement face à cette scène de guérilla ou non réaction. Enfin, c'est avec effectivement le Cazeneuve qui parle de sauvageon, aucune mesure de représailles contre la racaille de cette cité pourrie. Enfin, rien quoi. Il y a rien qui a été entrepris. Et je crois que bon. Il y avait déjà un énorme sentiment de lassitude et d'abandon dans les forces de l'ordre et dans la police et dans la gendarmerie. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, j'ai à peu près présenté ce phénomène. Alors, avant de poursuivre, je vais demander évidemment à nos participants de donner des observations, juste comme ça, là, sur ce mouvement, ce que ça leur inspire. Je vais commencer avec Argal. Argal, dis-moi ce que t'en penses. Bah, ce que je peux penser de tout ça, c'est que à un moment ou à un autre, il est évident que les gens qui sont en première ligne de l'invasion migratoire, de la délinquance et de la criminalité qui en découle, ne pouvaient pas accepter de se laisser tuer, assassiner comme ça sans réagir. Moi, dans la révolte des policiers, ce que je vois d'intéressant, c'est que ça vient de la base, que les syndicats ont été dépassés, même si maintenant ils essaient de rattraper le truc, mais que ça vient vraiment de la base qui n'en pouvait plus. Et le fait que ce soit pas juste un truc qui est arrivé dans une ville, mais que d'une manière solidaire, ils aient fait ça dans différentes villes et que ça prend de l'ampleur de jour en jour, il y a une légitime grogne. Ensuite, faut pas non plus s'attendre à ce que un corps de fonctionnaires soit un terreau révolutionnaire. Je crois que ça fait partie d'une révolte générale, d'une radicalisation générale de la population française, mais il faudra pas attendre. Je pense que malheureusement ça va être un feu de paille et que on va assister à une négociation avec le gouvernement, les syndicats vont négocier 2-3 primes de Noël, quelques points de retraite en plus, et puis tout le monde va rentrer dans le rang. Mais c'est quand même à saluer cette initiative, sachant que c'est la base, sachant que les syndicats n'étaient pas dans le coup, sachant que la hiérarchie n'était évidemment pas dans le coup, et vu la réaction immédiate du directeur national de la police, Monsieur Falcon, qui a tout de suite dit c'est inacceptable, qui a cru faire peur en fait aux premiers frondeurs et qui n'a fait qu'amplifier une colère de la base. Donc je pense que tous ces gens-là, tous ces flics-là, quoi qu'on puisse penser d'eux lorsqu'ils participent à la répression contre les nationalistes, savent quand même qui pose un problème en France, qui est dangereux pour la France et les Français, qui est dangereux pour eux-mêmes ou pour leurs propres enfants. et qui a un véritable ras-le-bol vis-à-vis du problème principal qui est l'invasion migratoire et la haine du blanc qui en découle avec toutes sortes d'actes de délinquance et de criminalité de pire en pire. Ils veulent pas se laisser descendre, ils veulent pas se laisser tuer, ce qui est normal, mais nous non plus, les Français en général non plus. Bien sûr, alors, c'est tellement vrai que bon, malgré le peu de sympathie que certains ont pour le parti nationaliste français d'aujourd'hui, le Front National, 50% des flics sont au Front National apparemment, selon les dernières statistiques, ce serait 51%. Et moi, je pense que le discours anti-flic a jamais été aussi has-been. Aujourd'hui, les flics, ce sont les gens armés qui savent se défendre, qui savent comment se comporte la racaille, qui savent lutter contre la racaille, qui ont des fois patrouille contre la racaille en mode guérilla urbaine, quoi, et qui ont déjà été confrontés à ça, et qui sont très proches de nous dans la façon dont ils perçoivent le monde, à savoir une bande de parasites qui viennent souiller la France et qui viennent conquérir la France, quoi, par le bas, comme avec la démographie et la délinquance sauvage, comme ça, l'agression permanente. Et ils savent, ils le subissent, et ce sont les premiers des fonctionnaires subissant la réalité qui se sont réveillés massivement jusqu'à voter massivement Front National. Moi, j'attends que les profs et les infirmières suivent, parce que parmi les gens payés, enfin les infirmières, ce n'est pas vraiment des fonctionnaires, mais on se comprend, pas avec la sécurité sociale, c'est des pseudo-fonctionnaires. Mais ces gens-là vont se réveiller aussi. Hein. C'est aujourd'hui le discours de Coluche, anti-prof, anti-flic, anti-autorité, parce qu'effectivement, la France est arrivée à un état de putréfaction où les flics, finalement, étaient plus des fouteurs de paix que des gardiens de la paix, des fouteurs de merde que des gardiens de la paix, excusez-moi. Le milieu médical, effectivement, bon, il y avait peut-être des abus, tout ça, j'en sais rien. Et puis les profs étaient une bande de gauchistes. Ça n'a pas changé. Hein. C'était le sketch des inconnus. Mais là, aujourd'hui, ça tourne. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés en premier à la réalité. Et la réalité que nous, on essaye de dénoncer, eux, ils se la prennent dans la gueule, violemment. Donc il faut soutenir ces flics, et c'est chouette ce qui est en train de se passer. Il faudrait que la grande muette s'en mêle. Malheureusement, la grande muette est muette, hein. C'est le propre de la grande muette, mais bon. Ouais, mais la grande muette, peut-être que si elle parlait, elle parlerait un petit peu avec un accent comme ça. Hein. Alors, ouais, Derek, vas-y, alors Derek voulait parler, après Magda je te donne la parole. C'est intéressant ce que tu as dit sur les infirmières dans les hôpitaux, parce que je peux vous dire que le phénomène de droitisation des infirmières est massif. J'utilise le mot droitisation, mais on se comprend en fait, c'est que c'est le réveil identitaire au sein aussi de cette profession augmente, parce que en fait elles se tapent des bougnoules et des nègres agressifs à la CMU qui leur crachent à la gueule à longueur de temps, etc., qui exigent d'être traitées comme des princes, les filles trim comme pas permis, etc. C'est une profession que, enfin moi j'admire beaucoup les infirmières et ceux qui prennent en charge les gens quoi dans les urgences, etc., dans les hôpitaux. Vas-y Derek, à toi, parle. Ces manifestations là, c'est assez sympathique dans le sens que tu as des policiers qui parlent, quoi. Et puis, vu que ça fait phénomène, tu vois, tu as des manifestations un petit peu partout, les journalistes s'y intéressent et diffusent ça sur leur site internet. Là, je vois sur France Bleu, par exemple, à Tours, où tu as des propos de policiers repris, donc médias d'État, hein, France Bleu. Les policiers disent que les mecs se prennent des cocktails Molotov, des caillasses sur leur bagnole. Donc, cocktail Molotov, c'est-à-dire, ouais, y a de l'essence, il y a du feu, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent cramer. Et ils ont ordre de ne rien faire et de revenir quand tout est calme. C'est hallucinant. Il y a quand même quelque chose. Voilà, ils sont. On parlait tout à l'heure là au niveau moyen, hein, de fait que les voitures de flics étaient réquisitionnées pour les synagogues, qu'il n'y en avait plus qu'une pour le 93. Au niveau moyen, je pense que c'est assez tendu. On n'est pas très loin. Est-ce que ça bascule dans quelque chose de totalement chaotique. Hein. La situation est tellement radicale. Astérix, J'avais dit que j'ai quelque chose d'important à dire sur le sujet. Hein, ouais, mais je te donne la parole après MacDav. MacDav devait parler. Alors, ce qui est intéressant chez les policiers, alors, très honnêtement, je ne défends pas l'institution ni le métier de policier en tant que tel. Parce que, bon, effectivement, les nationaux savent que, bon, c'est pas qu'ils sont contre nous, mais qu'ils reçoivent des ordres et qu'un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner. Un militaire, c'est fait pour obéir. Et quand il obéit dans le sens de nous réprimer, nous qui sommes réellement les ennemis de la clique en place, il le fait. Or, effectivement, c'est quelques unités d'élite parisienne, c'est vrai. Mais il y a quand même des policiers qui ont crié « franc-maçon en prison ». Donc quand on sait que un commissaire divisionnaire sur deux est franc-maçon, et que un commissaire sur quatre est franc-maçon également, et je pense que plus on va dans la hiérarchie, plus on retrouve des francs-maçons. Enfin, c'est un fait très connu, par exemple, que Michel Barouin, qui était commissaire et qui a formé beaucoup de commissaires, était le chef du Grand Orient de France, et que bien avant lui, déjà, il y avait une tradition, c'est même pas une tradition, il y avait une très forte porosité entre le milieu franc-maçon et le milieu policier, voire des mecs du terrain crier franc-maçon en prison, c'est quand même, enfin, c'est quasiment révolutionnaire. C'est vraiment. Oui, c'est exceptionnel. Ben, ça veut dire que eux qui connaissent les arcanes, là, disent on en a marre de votre bazar, vous nous trahissez. Enfin, c'est vraiment une révolte contre. Ben, d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé à Évry, dans la ville de Manuel Valls, d'ailleurs. Quand il y a eu, vous avez parlé de Falcon, directeur de la police, il s'est déplacé là-bas, il a tenu une réunion, il a voulu effectivement, comme vous l'avez très bien dit, impressionner la base. Son véhicule a été immobilisé, le mec a reçu, enfin, je veux dire, j'ai rarement vu un officiel des forces de sécurité françaises se faire rouler dans la merde de cette façon, c'est-à-dire qu'il y avait des centaines de flics en furie en train de le couvrir de merde. C'était magnifique. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ça. Et quand ils disent, parce qu'on a vu ça, d'ailleurs, on a vu des drapeaux bretons, des drapeaux français, hein, mais aussi des drapeaux bretons. Je le souligne parce que la Bretagne s'illustre pas toujours dans le meilleur sens, donc c'est bien quand ça se passe aussi. De voir ce slogan franc-maçon en prison, ça veut dire que quand même la base n'est plus dupe, quoi. Ils voient où cette direction politisée a mené le pays. Eux-mêmes sont en première ligne et voilà, ils manifestent leur saturation. Astérix, tu voulais dire quelque chose ? Oui, ben moi je voulais dire que la situation est tellement radicale aujourd'hui. Cette lutte entre les flics et les racailles, entre les flics et les envahisseurs du bas, là, que il y a un phénomène d'archisation qui est en train de se passer aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai observé Malek Bouti, qui était un espèce de collabeur ignoble pendant 30 ans, qui un gros, gros participant d'SOS Racisme et tout ça, qui d'un seul coup invitait à faire une offensive anti-racaille comme jamais vu. Enfin, il montait sur ses grands chevaux, bon, autant qu'il le peut, parce que c'est pas le gabarit le plus impressionnant que la télé nous propose. Mais il montait sur ses grands chevaux pour nous proposer un plan anti-racaille du jamais vu. Et je pense que là, si vous voulez, la situation est tellement racaille. Bon, le concept de l'émission, vous l'avez bien compris, c'est de faire passer un bon moment aux auditeurs blancs. Mais je sais très bien, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a quelques maghrébins curieux, quelques immigrés curieux qui écoutent notre émission. Aujourd'hui, de toute façon, les amis, il n'y a plus le choix. Faut vous archiser jusqu'à l'os. Faut être aldostérone minimum. C'est la seule façon de vous sauver. Et c'est les vrais réconciliateurs, c'est pas les baratineurs qu'on peut trouver sur Internet qui proposent un espèce de gloubi-boulga incompréhensible. La vraie réconciliation, c'est d'admettre aujourd'hui qu'il y a une partie de votre peuple qui est une sous-race infecte, qui vous pollue là-bas, qui vous pourrit la vie. Quand on écoute aldostérone, apparemment, ils existent là-bas, c'est un fait. Ils vous pourrissent déjà la vie là-bas. Donc, vous devez être les quelques-uns qui l'ont remarqué, et je sais qu'il y en a quelques-uns, vous devez être les premiers à le dire, quoi. Malek Bouti, lui, bon, c'est un ectoplasme, c'est une merde, c'est un collabo. Mais ceux qui sont plus sincères que Malek Bouti, ils doivent y aller franco, parce que là, la situation est vraiment radicale, quoi. ça chauffe parce que les policiers en peuvent plus. Les policiers, ce sont les blancs armés. Bon, même s'il n'y a pas que des blancs, hein, mais en gros, ils représentent le peuple gaulois armé et ils sont très, très en colère. Ils en peuvent plus. Et donc, vous, il faut vous distinguer là. Bah, ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que, enfin, effectivement, les policiers de terrain, moi, je parle des policiers de terrain, hein, je ne parle pas de la bureaucratie, parce que là aussi, il faut distinguer. Hein, il y a la bureaucratie policière, c'est-à-dire les gens dans les bureaux, etc. Puis il y a les types qui sont sur le terrain à scoltiner vraiment la merde. On va dire que là on a quand même des blancs qui sont quand même des types entraînés au tir, quoi, un minimum, qui sont conscients des réalités raciales parce qu'ils les expérimentent au quotidien. Donc ils ont une expérience pratique. C'est pratique, c'est pas de la théorie, c'est pas de l'abstraction, c'est pas des profs, c'est pas des politiciens, ce sont des gens qui voient le réel, qui comprennent le réel, et en fait c'est des blancs qui sont qui se tiennent encore un minimum debout, quoi. Un petit coucou à nos amis de la BAC d'ailleurs, s'ils nous écoutent, s'il y en a certains qui nous écoutent. Eux, on n'a pas besoin de leur expliquer comment ça fonctionne, et ça de voir ces gens-là en fait qui sauvent un peu l'honneur, quoi, au quotidien, c'est bien de les voir se rebeller, ça c'est un fait, hein. C'est vrai que ça fait plaisir. Et pour revenir sur Bouty, ce que tu disais, on peut dire que Bouty, en fait, là, moi je trouve que ce personnage, je le dégueule, hein. Bon, je vais parler cash, ce mec est une enflure, c'est une saloperie. Il débaroule en France, il instrumente SOS Racisme pour exciter les bougnoules et les nègres contre les Français qui ont été assez cons pour l'accepter. Maintenant, il se rend compte qu'il y a le feu dans l'hôtel où il crèche. Il veut sauver sa peau. Bouty, excuse-moi, voilà. Tu fais partie du camp ennemi. T'es même pire que les autres parce qu'à la limite, les autres n'ont jamais prétendu représenter des idéaux nobles, etc. Pour saloper le pays où ils sont arrivés. Eux, d'emblée, ils étaient là. Ils ont jamais aimé. Jamais aimé leur, comment dirais-je, le pays d'accueil. Ils ont jamais aimé les gens. Ils ont passé leur vie à tout détruire. Mais toi, t'es un hypocrite. Enfin, c'est ça que j'ai envie de dire à propos de ce personnage-là. Et c'est pas en essayant de jouer sur tous les tableaux en disant ouais, vous le Front National, machin, etc. On vous laissera jamais passer, etc. Et puis ensuite un discours sur les islamistes. Non, c'est tu choisis ton camp. Tu choisis ton camp et pas de bol pour toi, Bouty. Tu fais partie du camp ennemi. Et si tu l'as oublié, des gens, probablement d'ailleurs ta communauté, c'est ce qui te fait peur, viendront te le rappeler au moment venu. Argaël, à toi. Oui, moi je voudrais revenir sur un truc qui me semble assez important, en particulier dans le milieu nationaliste, parce que je sais que beaucoup nous écoutent, concernant l'attitude, cette espèce de posture anti-flic. Alors, évidemment, certains font plus de zèle que d'autres pour réprimer les nationalistes, on est bien d'accord. Mais il faut, comme l'a dit McDave auparavant, il faut bien comprendre que les corps de l'État, la police ou l'armée, ce sont des outils à la disposition du pouvoir. Quand nous aurons le pouvoir, ces mêmes flics agiront de la même façon, peut-être même aussi avec encore plus de vigueur et de motivation, quand on leur dira de remettre de l'ordre dans les cités afro-maghrébines ou d'organiser la remigration. Je pense qu'il faut, penser l'État comme un outil au service du peuple et de la nation. Il ne faut pas imaginer que un corps comme la police est quelque chose qu'il faut abattre. On n'est pas des anarchistes, on n'est pas des gauchistes qui veulent abattre l'armée, qui veulent abattre la police. Le policier, c'est un fonctionnaire comme un autre. Certes, je n'excuse pas du tout les enculés qui ont gazé des familles à la Manif pour tous, qui prennent un certain plaisir à cogner sur les nationalistes lors de manifestations qui sont dispersées, voire de faire des perquisitions et d'être absolument infect et haineux parfois avec les nationalistes. On est bien d'accord, ça n'excuse rien, mais il y aura toujours des collaborateurs plus ou moins zélés avec les missions qui leur sont données. Mais il faut penser qu'on aura besoin d'une police efficace, et comme le disait Gandalf, c'est des types de terrain et qui savent gérer le terrain, qui savent, si on leur donnait les ordres, ils sauraient remettre l'ordre dans les banlieues. C'est eux, ils seraient même, tous ceux qui disent « ouais, il faut envoyer l'armée dans les banlieues », c'est très con, c'est n'importe quoi. Ceux qui sont aptes, qui connaissent le terrain, qui sont aptes à remettre de l'ordre dans les banlieues, c'est les flics, mais les flics armés avec autorisation de tirer et de véritablement maintenir l'ordre. Je veux dire, c'est le coup d'envoyer la Légion dans les banlieues, ça c'est le truc d'alcoolique au bar qui va sortir ça. Enfin, voilà, on les enverra quand on sera en état de guerre totale. Mais avant, la Légion fera rien de formidable dans les banlieues. Si on veut véritablement rétablir l'ordre dans nos banlieues remplies d'étrangers, ce sera les flics qui sauront le faire parce qu'ils connaissent ce terrain, ils savent ce qu'il faut faire, sauf qu'on leur interdit depuis des décennies de faire ce qu'il faudrait faire, et en particulier d'utiliser leurs armes. À partir du moment où une racaille une balance ne serait-ce qu'un caillou, le flic devra avoir le droit de lui tirer au minimum dans les jambes. Alors que là, on est dans la... un flic ne dans peut les jambes, son arme oula, qu'en cas d'absolue légitime défense. C'est-à-dire, c'est comme... Quasiment, il a autant le droit de se défendre qu'un simple citoyen. Dans les jambes, tu deviens progressiste, sur ce qui t'arrive. Ah, alors, c'est mon côté modéré, puis en vieillissant, voilà, je ramollis. Il pense au montard, surtout. Il pense au montard qui doit tous nous couper, nous censurer ensuite. Il y a un exemple, hein, je veux dire, moi je suis devenu un grand fan du président philippin. Rodrigo Duterte, qui est un dur. Hein. Ah, il est bien. Hein. C'est-à-dire que là, lui, il a fait exactement ce que nous, on n'arrête pas de proposer, de demander. Il a dit à la police, bon les gars, moi, je veux détruire les cartels de la drogue, je veux sauver mon peuple de cette lèpre. Carte blanche pour abattre à vue les dealers, les trafiquants, etc. Et ils ont pas chômé les mecs, puisqu'en 2-3 mois, ils ont déjà abattu 3500 trafiquants de cam. Judge Dredd, et moi je dis ça c'est le futur et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'en fait mon point de vue est le suivant, c'est-à-dire qu'il faut réserver la justice qui est très occupée aux Français de souche, hein, voilà, parce que nous on est des gens civilisés, etc. Donc je présume que effectivement quand des gens de chez nous font des bêtises, ils doivent être punis selon un processus judiciaire civilisé, mais quand on parle de la racaille, de la vermine afro-maghrébine, je ne vois pas pourquoi on perdrait notre temps à mobiliser des magistrats, etc., surtout qu'il le relâche systématiquement, pour ainsi dire, alors qu'on peut régler le problème sur place et de façon expéditive. Alors, je veux simplement enchaîner en disant que le climat ne se détend pas, puisque, aux dernières nouvelles, un autre guet-apens a eu lieu à Vénissieux cette fois-ci. 40 individus ont tendu une embuscade à des policiers en leur lançant des cocktails Molotov. Là aussi, nouvelle tentative de brûler vivant des policiers. Donc là, ça m'amène sur une autre question. C'est la thématique de la guerre civile, thématique qui progresse hein, dans le débat public. Je veux dire, nous, très longtemps, on nous a pris pour des illuminés, des gens pris de fantasmes guerriers, hein, alors que moi, je ne suis pas de nature violente, hein, et ni vous, je présume. Mais simplement, on était assez lucide sur l'évolution inéluctable de la société si elle continuait sur cette trajectoire. Et maintenant, le débat continue, c'est un thème qui revient. Et il y a un des symptômes qu'il révèle, c'est le bouquin d'Oberton, qui parle de ça. Hein, je veux dire, il fait un carton chez les flics, hein, je le sais, le livre d'Oberton, complètement censuré dans les médias, et qui s'appelle Guérilla d'ailleurs, et qui parle de cette évolution. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'évolution possible je veux dire, dans les années qui viennent, est-ce qu'on va vers une guerre civile, on va dire molle, une aggravation? Comment vous voyez les choses? Là, je prends les observations des uns et des autres. Quelqu'un veut-il partir là-dessus? Parler de ça? En gros, tu veux qu'on joue à Madame Irma? Non, je veux dire, c'est pas Irma totalement. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'un mec comme Oberton, quand il écrit son bouquin, est-ce qu'il mitonne? Est-ce qu'il en fait trop On voit ce qu'on a aujourd'hui, ça va monter. Enfin, il n'y a pas de raison que ça diminue, que la tendance s'inverse pour le moment. Donc voilà, ça va monter crescendo. Après, te dire comment, les étapes, etc. Ça, L'équation, en fait, l'équation, elle est assez simple. C'est-à-dire que si, à l'avenir, la police, justement, dont on était en train de parler, vire du côté... des blancs, de leurs frères et sœurs, et parce que la situation devient tellement radicale qu'en fait ils sont dans des situations de tous les jours, quasiment face à des fusillades, face à des trucs comme ça, ils sont obligés de tirer, et ce sont les seuls blancs armés, et ils prennent plus ou moins tous, enfin, à 90% parti pour nous, là, on aura une guerre qui, on aura quelque chose qui se réglera très vite, avec un gouvernement complètement dépassé, peut-être l'ONU, tout ça qui viendra s'en mêler avec les Américains qui essaieront d'en profiter pour une partie. Enfin, là, on aura affaire à une situation de dingue, c'est-à-dire une vraie guerre civile, un pays, mais d'un autre côté, une guerre civile qui peut faire naître aussi un pays avec un tout nouveau gouvernement selon. C'est-à-dire que là, le peuple français sera dos au mur, les choses seront très rapides. Par contre, si la police, via ses cadres francs-maçons, l'armée, via ses cadres francs-maçons, enfin, ses gradés francs-maçons, arrive à maintenir une police sous chloroforme, quoi, une police sous Xanax, à moitié dépressive, qui se suicide, parce qu'aujourd'hui les policiers c'est ça, je crois que c'est le corps qui se suicide le plus en France avec les profs et les, enfin bref, ils sont 3-4 comme ça à être au top au niveau du suicide, et les policiers en font partie. Donc s'ils arrivent à maintenir ça, on peut avoir affaire à une situation où les Français seront obligés quartier par quartier de se prendre en main avec des petites milices, chacun avec sa petite arme, soit au noir, soit son permis de port d'armes. Et puis on aura une guerre civile larvée avec des grenades, des goupillés par-ci par-là, des bâtiments qui sauteront, des camps de gitans, des halls de cités, des trucs, et puis des blancs en retour. Voilà. Donc c'est soit, c'est tout dépend de la police. L'équation est très très simple. Okay. Je crois que il faut envisager peut-être plutôt, comme on disait, une guerre civile larvée, c'est-à-dire que ça va être de pire en pire, mais ça va être par à-coup. Je pense que quand il y aura trop de... Voilà, il peut y avoir des fuites tuées à certains endroits, un peu comme dans le bouquin d'Oberton. Et je pense que ce que va faire l'État, plutôt que de ne pas réagir, c'est justement réagir de manière ponctuelle, histoire de calmer, de faire voir un semblant de rétablissement de la paix civile à certains endroits. Donc à mon avis, ce sera des trucs par à-coup, c'est-à-dire par exemple, dans un, voilà, il y a un flic qui est tué dans un quartier, bon, bah, il va être quadrillé, on va arrêter 40 types, tu vas avoir les gouvernants qui seront en place, qui vont défiler là en disant que c'est inadmissible, que l'ordre républicain... Mais ce qu'il y a, c'est que les gens vont de moins en moins y croire. Je pense que les Français s'aperçoivent qu'ils sont de moins en moins en sécurité. Là, ce dont on parlait tout à l'heure, de Seine-Saint-Denis, qui a 40 voitures de police consacrées à la surveillance des édifices religieux, donc principalement des synagogues, et qu'il n'y en a qu'une seule. Donc voilà, de plus en plus, le Français sait qu'il n'est plus en sécurité, que personne ne va pouvoir assurer sa sécurité. Ça va entraîner aussi un regroupement, c'est-à-dire des blancs qui ne sont pas encore en plein esprit de dimitude et de collaboration, qui vont se regrouper entre eux. Ça se fait déjà actuellement. Malheureusement, c'est une sélection par l'argent, parce que le pauvre mec au chômage qui habite en cité, il n'a pas trop d'autres perspectives que de rester là en rasant les murs, parce qu'il n'a pas les moyens d'aller à la campagne. Mais de plus en plus, en fait, les blancs se regroupent, même inconsciemment. Même inconsciemment, le bobo de gauche se regroupe avec des blancs, parce qu'il, sauf les plus tarés d'entre eux, mais la plupart, ils veulent quand même pas vivre. Donc il va y avoir un regroupement des blancs, parce que j'imagine, hein, c'est peut-être Madame Irma, mais malheureusement, je me trompe jamais, tout le moins pour un avenir proche. Et je crois que tout va se communautariser de plus en plus, que la sécurité, on va être dans une insécurité permanente, mais malheureusement acceptée. Comme l'avait dit Valls, il va falloir s'habituer aux attentats aussi, ça ce sera aussi un bonus. Le bonus, ce sera les attentats islamistes qui vont, à mon avis, se poursuivre, et une insécurité grandissante, permanente, mais qui aujourd'hui est considérée par les plus jeunes générations comme quelque chose, comme une fatalité, comme quelque chose, voilà, comme s'il pleuvait, il pleuvait 5 fois par semaine, on dit, bah ouais, c'est le temps, hein, on n'y peut rien. Et malheureusement, la population française de souche rentre dans une sorte de résignation. Même s'ils se radicalisent, ils sont malheureusement dans une sorte de résignation. Sauf que des événements de plus en plus graves peuvent les faire sortir de leur léthargie. Qui aurait dit qu'il y a il y a quelques mois, il y aurait une révolte policière avec des flics qui, de la base, qui allaient gueuler francs-maçons en prison. Ça veut dire qu'ils s'adressaient directement à leur hiérarchie. Ça, on l'aura bien compris. Donc, les choses peuvent aller très vite. Et là, on a une population qui est complètement en décalage avec l'offre politique, puisque le seul parti politique qui, historiquement, était censé représenter le rétablissement de la sécurité et la fin de l'immigration, c'est le Front National, qui se ressent, qui se gauchise de plus en plus et qui ressemble quasiment, voilà, les Républicains sont plus à droite que le Front National aujourd'hui, parce que le Front National veut absolument rassembler les Français. Donc, en créant aussi leur télé-banlieue, ça c'est encore un superbe projet que je pense que tout le monde, que leur électorat attendait. Enfin bon, bref, donc voilà, il y a un décalage énorme qui n'a jamais été aussi grand entre le peuple et les élites, une radicalisation de la population et une radicalisation de la délinquance, de la criminalité, de l'islamisme et du terrorisme. Je pense que ça peut faire un cocktail qui peut précipiter le cours des choses et le cours de l'histoire. Tu parlais de la jeune génération, juste un tout petit truc. Elle est résignée, fataliste, oui et non. Je pense que c'était plus ceux, justement, qui aujourd'hui, plutôt ma génération, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui ont la trentaine, parce que eux ne voyageaient pas beaucoup. Aujourd'hui, l'Europe, en fait, on a toujours les qualités de ses défauts. Et l'Europe, malgré toutes les saloperies qui refourguent, il y a quelque chose qui joue contre eux. C'est qu'ils amènent beaucoup de jeunes Français à voyager, parce que c'est leur concept, hein. On est tous européens, donc il y a les Erasmus, il y a tous les voyages scolaires et tout ça. Et en fait, les petits Français se rendent compte à chaque fois qu'ils vont à l'étranger qu'ils vivent dans un pays ultra violent. C'est-à-dire qu'on est le seul pays où on sort avec une boule au ventre, parfois, quand on doit traverser certaines gares, quand on va dans certains bahuts. Et ils vont visiter des pays, y compris des pays d'ailleurs où il y a des problèmes d'immigration, mais malgré tout, ils vont se sentir plus tranquilles, des pays mieux gérés. La France, c'est vraiment le fond du fait tout, quoi, hein, le fond de la casserole, quoi. Alors, comment dire J'en profite, là, tu parles de Télébanlieue, là, qui est un collectif. Enfin, c'est des coquilles vides du Front National pour occuper l'espace médiatique. Je m'en vais immédiatement. On en avait déjà parlé dans une émission antérieure, hein. Vous imaginez tout le bien ce que j'en bien, pense. C'est qu'il faut une Télébanlieue, mais il n'y a pas de chaîne de télé blanche Front National. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait la chaîne des Français. Ouais. Ils créent un truc spécialement pour les Noirs et les Arabes. Qui ne voteront jamais Front National d'ailleurs, mais pour l'instant, je veux dire, il n'y a pas de support vidéo, de journal de réinformation du Front National à destination de leur électorat blanc. Ça, non, il n'y a pas. On s'occupe d'abord des Noirs et des Arabes. C'est ce qu'attendait l'électorat FN, c'est sûr. Il n'y a pas de télé gaulois, ça c'est sûr, il n'y a pas de télé gaulois. Le truc, c'est que dans ce collectif-là, j'en profite vif, parce que tu as mis ça sur la table, et de toute façon, vu ça fait un moment que j'ai envie de lui dégueuler dessus, dans ce truc horrible qu'on appelle le collectif, il y a un certain Kamel Bekchich, qui, excusez-moi du peu, avait créé son truc Fils de France avec une sénatrice UDI, qui d'ailleurs fait partie de la communauté et au surplus est proche de la CIA puisqu'elle a même été reçue par Brennan qui est le directeur de la CIA et ce type avait lancé son association Fils de France au Sénat français, donc c'est une opération totalement cornaquée par les services américains dans le cadre de la stratégie mise en place à l'époque par l'ambassadeur des États-Unis Rifkin en France qui visait à amadouer la populace islamique pour la rallier, sous l'égide des frères musulmans, à la politique étrangère de Washington. Bon, il y a que les imbéciles qui comprennent pas. Et je vois que cette énorme crapule, donc de Kamel Bekchich, qui était en déplacement à Gaza, qui est une enclave au sud d'Israël gérée par les frères musulmans précisément et par le Hamas qui est leur branche locale, il s'est déplacé là-bas et il s'est revendiqué expressément devant témoins de son appartenance aux frères musulmans. Que fout un frère musulman proche de l'UIF et de Tarek Obrou qui est l'imam en chef d'Alain Juppé? Il n'y a pas plus soumis qu'Alain Juppé. Alain Juppé qui, en tant que ministre des Affaires étrangères de Sarkozy en 2011, a lancé l'offensive au nom de la France, contre la Syrie de Bachar al-Assad, au profit des frères musulmans et de la Turquie et d'Erdogan, qui est justement le chef des frères musulmans dans ce pays, comment se fait-il que ce cafard est dans un collectif du Front National? C'est inacceptable, c'est scandaleux, je n'ai pas de mots assez durs pour fustiger un tel truc. C'est incroyable. En plus, j'ai une totale confiance tes informations, c'est assez incroyable parce que moi il m'était sympathique, je l'avais écouté parler, c'est vrai qu'il avait un ton, on voit qu'il est complètement déboucaquisé quoi, hein. Il a été... Je t'arrête tout de suite, il est tellement déboucaquisé que le mec a grandi en France, il est dans un village français, c'est-à-dire qu'il était le seul maghrébin dans son village, quelque part perdu dans le sud de la France. Le mec explique. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Le type, il dit, bah, je suis tellement français qu'il devient un musulman militant. Bah non, je veux dire, si tu étais soi-disant un français d'adoption, je sais pas quoi, bah soit tu deviens agnostique, parce que t'es dans le mainstream, ou alors tu deviens catholique. Enfin, je sais pas, c'est un des deux, mais tu t'adhères pas aux frères musulmans. Enfin, c'est pas un débat sur Kamel Béchir, mais comme Argaël l'a mis sur la table, il fallait y revenir. Moi, je veux conclure sur un truc, et je vous laisse la parole, c'est sur les propos de Devilliers par rapport à la partition de la France. Dans son dernier livre, Les cloches sonneront-elles encore demain, il fait mention d'un rapport des services de renseignement français, donc des services de sécurité, qui explique que un certain nombre de dirigeants français, que ce soit des politiciens ou des technocrates, des bureaucrates, réfléchissent à, il appelle ça un édit de Nantes, c'est-à-dire à une espèce de négociation générale dans laquelle il y aurait une répartition des aires d'influence avec les musulmans, et que voilà, la France à terme serait divisée sur des bases ethniques et religieuses. Quel est votre sentiment sur ces déclarations de Devilliers? Moi, ça m'a j'étais quand même doutais à titre personnel, mais c'est théorisé, quoi. Ça serait très très bien si il y avait une véritable séparation, c'est-à-dire que ils restent entre eux et ils viennent pas chez nous. C'est-à-dire que si on fait ça, à la limite, c'est bien parce que ça nous permet, nous, de nous organiser pour pouvoir les foutre dehors par la suite. Le problème, c'est que si ça se met en place, je reste persuadé que nous, on pourra pas aller chez eux, mais eux pourront venir chez nous, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que la ségrégation en soi, hein, on va pas être contre. Hein. La ségrégation sur les coins où ils habitent, c'est pas terrible. Ouais, mais c'est quand même déjà mieux. C'est-à-dire que même les blancs qui sont un petit peu paumés, ils n'ont pas. Ils n'ont pas à grandir parmi les boucaques, quoi. Hein. Là, ben, il y a Jean-Marie Le Pen là, qui a fait une petite sortie sur les rythmes biologiques, hein, des différents entre les Africains, hein, et les Européens, effectivement. Voilà. Les nègres. Les enfants européens n'ont pas à grandir au milieu, voilà, au milieu du tiers monde, quoi, hein, au milieu des nègres. On est d'accord, mais je pense que ce plan. Qui existe sûrement, parce qu'il y a toujours beaucoup de scénarios qui sont envisagés par le gouvernement et des officines qui sont chargées de prévoir ce genre de choses. Je crois que ce plan, en fait, c'est plutôt une histoire d'abandon de pans entiers du territoire par lâcheté et par un manque de volonté de vouloir aller à la confrontation. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, dans le sens où on laisse des endroits où de toute façon t'as presque plus de blancs, où les seuls blancs qui restent ils sont soit convertis ou soit c'est des larbins, des trafiquants de drogue afro-maghrébins, et donc là on laisse en fait des territoires qui sont déjà conquis, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que des territoires qui sont déjà conquis par des populations hostiles et africaines ou nord-africaines. Donc en fait je crois que c'est en fait l'abandon de certains pans entiers du territoire. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus à se réjouir. C'est pas du tout une ségrégation. Certains d'entre vous essaient d'imaginer, en disant qu'il y aura des grands murs et des grands grillages et on se retrouvera tous en peu blanc. On se retrouvera avec des Noirs et des Arabes dans nos zones qui seront soi-disant préservées et les autres sera que des zones islamisées où la charia régnera, où ils seront majoritaires. Mais ça continuera d'envahir les autres zones. Enfin, voilà. Moi, je le vois comme ça. Il y aurait à se réjouir ce genre de plan ou ce genre de projet est quand même quelque chose de normal dans les prévisions de gouvernement ou au sein de l'armée ou au sein de la police ou au sein d'instituts géopolitiques plus ou moins rattachés à l'État. C'est normal de prévoir ce genre de scénario, un peu comme l'opération Ronce qui a été annoncée par. Dévoilé par Éric Zemmour, voilà, ça fait partie des plans. Et je pense que, sérieusement, nos gouvernants imaginent qu'il peut être envisageable de laisser, par exemple, la Seine-Saint-Denis ou certains quartiers aux mains de milices musulmanes. En se projetant un peu, vu là où ils habitent, de toute façon, ça ne nous fera pas trop de mal de leur laisser, hein, ça ne nous fera pas trop mal au cul, parce que Roubaix, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne. Villeurbanne, les quartiers nord, ouais, parce que Marseille, ils sont quand même en plein centre de Marseille, ça fait ouais, mais moi je suis pas d'accord, c'est un recul, là, c'est vraiment, on signe notre arrêt de mort, c'est-à-dire qu'on négocie quasiment, c'est presque une capitulation, faut pas partir dans ce. À partir du moment où on se réjouit de ce genre de choses, C'est, voilà, on se réjouit de la fin en se disant, bon, je serais peut-être pas tué le premier. Non, faut non, pas. Ouais, on se réjouit, on c'est réjouit de l'abomination. Attendez, pas tout le monde. On se réjouit pas, mais le problème, c'est que de toute façon, on n'a pas la main mise sur le dossier. Nous, c'est un effet d'annonce. Bon, voilà, de toute façon, si demain, ils nous mettent devant le fait accompli, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut en retirer de positif. Après, il est clair, moi, je suis pas catholique. Il n'empêche que la Seine-Saint-Denis, c'est la basilique des rois de France. Excuse-moi, j'ai pas envie de laisser ce territoire-là. J'ai pas envie de laisser aucune partie de la France ou de l'Europe aux nègres, aux boucaques ou à qui que ce soit d'autre. Ça nous appartient. Clair, là, je faisais mon well-back. Mais ça nous appartient, point barre. Maintenant, il faut bien se dire, si demain, on est confronté à ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en tire quelque chose de positif? Est-ce qu'on on essaie d'avoir une espèce de base arrière pour pouvoir monter une contre-attaque au niveau de la propagande, au niveau du pouvoir politique, et ensuite transformer ça en véritable programme de reconquête du territoire, que cela passe par des accords, on va dire, ou que ce soit par la force ou par autre chose, quoi. Voilà, de toute façon, on est déjà mis devant le fait accompli. Nous sommes Européens, on est en train de nous faire disparaître contre notre volonté. Quand on veut le ramener, on est traité de tous les noms. Je veux dire, tu peux avoir un grand-père qui a fait la guerre, qui a lutté contre les nazis. Si tu dis que t'es blanc, t'as le droit d'exister et t'as le droit que ta culture continue à exister, tu seras un nazi. Donc maintenant, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on a? Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Et où on va, quoi? Voilà. Et là, c'est alors, moi, face à ce truc-là... Parce que c'est bien ce que tu amènes sur la table, Argel. Enfin, en fait, tu dis, voilà, en fait, il y a déjà des gens, enfin, des politiciens, on les voit, on en a parlé tout au long de l'émission. Il y a des gens, ils sont, je veux dire, ils n'ont pas un gramme de fierté ni d'orgueil patriotique, ils en ont rien à foutre. Donc, pour eux, comme disait Henri IV, Paris vaut bien une messe, donc après tout, pourquoi pas négocier avec les musulmans, voilà, ils en ont rien à faire. Ceci étant dit, je crois qu'on... Enfin, comment formuler ça? On va vers une confrontation, et on a devant nous quelque chose qui ressemble de plus en plus au scénario du Kosovo. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont, comme par exemple, tu parlais de la basilique de Saint-Denis, enfin la nécropole des rois de France à Saint-Denis, c'est effectivement quelque chose d'important dans l'histoire de la monarchie française et de l'histoire de France. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs avec les épisodes des attaques terroristes, un certain nombre d'entre eux s'étaient repliés dans cette zone précisément parce qu'ils se savaient protégés par la faune locale. Et c'est assez terrifiant d'ailleurs d'y penser. Et c'est-à-dire que l'ancien cœur, j'allais dire, du royaume de Saint-Louis est devenu une base avancée de l'islam conquérant en Europe. Et ça me fait penser au Kosovo, non seulement par le jeu démographique, mais aussi, parce que là je m'interroge, on est un petit peu dans les scénarios d'anticipation, mais je me pose la question de savoir quelle vont être la réaction des États étrangers, des puissances étrangères, que ce soit les États-Unis ou des puissances musulmanes, ou d'autres. C'est-à-dire qu'on a vu en Syrie, c'est-à-dire quand un État devient trop faible, quand un pays devient trop faible parce qu'il est divisé sur des bases ethniques, religieuses, il n'a plus la capacité d'écarter ses ennemis extérieurs, il n'arrive plus à les repousser, parce que précisément des puissances interviennent et instrumentalisent tel ou tel groupe pour défendre ses propres intérêts, pour s'en servir comme relais d'influence. Et là, on peut vraiment se poser des questions, parce que non seulement c'est vrai en Seine-Saint-Denis, mais c'est vrai sur plein de points du territoire français, et on peut se poser la question de savoir, pour le moment, le gouvernement français arrive, enfin, fut-il socialiste, arrive encore à peu près, en tout cas en apparence, à maintenir le couvercle sur la marmite, mais quand les choses vont vraiment devenir explosives, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des États étrangers qui vont glisser des armes sur le territoire pour des agendas qui nous dépassent, mais qui vont faire ce qui s'est passé en Serbie, c'est-à-dire de dire, voilà, nous on prend parti pour tel groupe contre tel autre groupe, et on y va, et on les soutient, etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Le parallèle est parfait, puisqu'en plus le Kosovo était un centre... Le centre, je sais pas, mais était un centre historique important de la Serbie. Et à mon avis, les mafias ont beaucoup à y gagner, parce qu'on sait que les mafias sont déjà en place dans les quartiers, hein, puisqu'il y a énormément de drogues et d'armes qui circulent dans que ce soit la Seine-Saint-Denis, enfin les quartiers dont on a parlé là. Si vous voulez, le Kosovo, ça s'est transformé en gigantesque zone où les mafias font passer des énormes quantités de drogue, d'armes. Il y a des échanges pas possibles qui se font là-bas, y compris d'ailleurs à l'époque du Daesh flamboyant là. Il y avait des échanges de pétrole qui se faisaient, du pétrole black de Daesh qui se faisait là-bas. Et en fait, je pense que ça intéresserait les mafias d'avoir au cœur de l'Europe des zones comme ça, complètement, qui sont soi-disant sous la houlette, sur le plan légal, sous la houlette des musulmans. C'est-à-dire les musulmans, en gros, ils gèrent les bolos qui travaillent, quoi, avec une charia stricte et tout ça. Et puis en loose day, se rencontrent tous les caïds de l'Europe, toutes les caïds des mafias arméniennes, juives, maghrébines, tout ça, viennent faire des échanges d'armes et de drogue en plein cœur de l'Europe. Donc à mon avis, il y a beaucoup de forces qui peuvent jouer en la faveur de cette partition, qui sont évidemment que des forces obscures, hein, parce que pour un tel projet, faut être animé par le diable, quoi. Mais il y a énormément de lobbies et énormément de mafias qui ont intérêt à ce truc-là, quoi. Ça nous ferait un Kosovo au cœur de l'Europe. Ouais, c'est intéressant de rappeler ça, la dimension mafieuse du Kosovo, outre son fond ethnique et religieux et sa rancœur historique entre donc Albanais et musulmans. Tous les Albanais ne sont pas musulmans, je précise pas. Mais entre Albanais, musulmans et serbes, parce que en fait, aujourd'hui, le Kosovo, c'est un État fantoche créé ex nihilo par l'OTAN et les États-Unis pour affaiblir la Serbie, qui est considérée depuis très longtemps comme la seule véritable nation à même de contrôler les Balkans. Donc, quiconque veut contrôler les Balkans doit affaiblir la Serbie. Il faut savoir que cet État mafieux fantoche a une base américaine sur son territoire. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs une des plus grosses bases, hein, le camp Bond Steel, je crois, si ma mémoire est juste, peut-être que je me trompe, mais c'est une base avancée des États-Unis qui font circuler là-dedans un maximum de drogue, parce qu'évidemment, depuis l'Afghanistan, ils ont fait, il y a un arrivage de cam absolument surréaliste, pour ne pas parler du reste, hein, c'est-à-dire traite des blanches, trafic de drogue, etc. C'est incroyable, trafic d'organes, etc. Et le truc qui est vraiment terrifiant, d'abord on sait qui a fait le coup, hein, il y a Kouchner qui a présidé à ça aussi, hein, il a été proconsul de l'OTAN dans les territoires conquis, et il a participé au démantèlement de la Serbie dans ces zones, et on voit très bien la patte des mêmes se dessiner sur la France et probablement dans d'autres endroits de l'Europe de l'Ouest. Et là, je me dis, attention, parce que, je veux dire, on en parlait avec Argal, c'est-à-dire qu'on se disait, même dans nos prédications les plus folles, parce que vous savez, on est des nazis fanatiques complètement délirants et en rupture totale avec la réalité et atteints de paranoïa aiguë, ben, même nous, on n'aurait probablement pas vu les choses se précipiter aussi rapidement que maintenant. Et je suis tenté de dire que peut-être que plutôt qu'on ne serait tenté de le dire, eh bien, on aurait des choses comme ça en France, des espèces de forteresses inexpugnables défendues par des États comme les États-Unis ou d'autres, avec des armes, etc., des appuis diplomatiques. Et de là, le scénario infernal progresse. Il peut se passer demain. Le scénario que les auditeurs le visualisent bien, qu'ils l'intègrent au fin fond de leur être. Dès demain, Sevran, par exemple, émeute comme il se passe en ce moment, deux flics meurent, les flics ne laissent pas passer le coup, les flics arrivent en masse avec des CRS, machin, fusillade de flics et tout ça. Le gouvernement, vous avez vu les glands mous, cette espèce de gouvernement ectoplasmique qu'on scoltine, les mecs seront sous la couette, ils seront sous antidépresseurs, ils seront au fond du trou, quoi. Donc ça sera les militaires qui prendront le pas. Là, s'il y a des manipulations étrangères qui doivent se mettre en place, elles se mettront en place tout de suite. Les Américains armeront et en même temps arriveront en disant « Non, vous n'avez pas le droit de tirer sur des gens, machin, c'est quoi leur revendication ?»« Ah, c'est la charia, d'accord, et ben pourquoi vous ne les laissez pas appliquer la charia ?» Nous, on arrive, peut-être avec des flics américains pour entourer la zone, comme tu le disais. Non, mais tout ça est très… c'est possible aujourd'hui, demain, quoi. Ça peut se passer demain. Oui, alors je voulais revenir sur le Kosovo. Le Kosovo, c'est vachement intéressant aussi d'un point de vue symbolique, parce que c'est quand même de là-bas, si je ne dis pas de bêtises, que vient un grand général en fait de la nation albanaise à l'époque où il n'était pas musulman, qui s'appelait Skanderberg et qui a lutté contre les invasions ottomanes. Parce que peu de gens savent, mais que ce soit ce qu'on appelle les Albanais maintenant ou les Serbes, enfin tous ces gens-là, ont payé un très lourd tribut en fait à la lutte contre l'invasion musulmane de l'Empire ottoman. Et c'est aussi très intéressant, très important, parce que en 99, le général Wesley Clark, donc qui commandait l'offensive américaine contre la Serbie, avait prononcé sur je ne sais plus quelle chaîne américaine qu'il n'y avait plus. En anglais, il dit "There is no place in modern Europe for ethnically pure states." Il n'y a plus de place en fait dans l'Europe moderne pour des États qui sont ethniquement purs. Il disait ça en parlant de la Serbie en fait. Et cette offensive sur le Kosovo, c'est le prélude à l'offensive sur le reste de l'Europe quoi. En sachant que Wesley Clark est antisémite. Hein. Tu voulais dire quoi, MacDav? Oui, non, je voulais dire que nos propos peuvent peut-être paraître extrémistes, mais que dans le dernier livre qui est paru sur François Hollande, la possibilité d'une partition du territoire français est évoquée par le président de la République. Donc, ce ne sont certainement pas des fantasmes de nazis. Alors effectivement, nous avions raison depuis maintenant pas loin d'une dizaine d'années pour les plus anciens d'entre nous, voire beaucoup plus, mais c'est évoqué à la fois par François Hollande et par Philippe de Villiers, donc il faut rappeler que le frère, Pierre de Villiers, est le plus haut gradé de l'armée française. C'est un général 5 étoiles, et c'est, je veux dire, il suffit de lire le livre de Houellebecq, où on disait il y a longtemps que Paris vaut bien une messe, mais que baiser 3 putes, boire 2 coupes de champagne et se taper un rail de coke, ça vaut bien une chahada. Eh bien, le politique français est dans cette dimension et réfléchit comme ça. Et très récemment, l'ambassadeur du Qatar, le nouvel ambassadeur du Qatar, a été choqué par le niveau de corruption du politique français. Lui-même s'en était étonné. Le politique français vient, réclame de l'argent. Donc on a affaire à des, je veux le dire, ce sont des traîtres. Peut-être mérite-t-il l'eau de trahison. Enfin, encore faudrait-il définir la notion de trahison, sachant que Sarkozy l'a supprimé il n'y a pas longtemps. Vous savez pourquoi? Les possibilités que nous sommes en train d'entrevoir sont des possibilités prises en considération par les plus hauts gradés de l'armée. Nous ne rigolons pas en disant ça, même si nous essayons de le faire sur un ton jovial et décontracté. Ouais, c'est une bonne opération. Ah ben moi, j'en rigole pas, d'autant plus que j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, c'est même une bénédiction de rencontrer des Serbes et d'être proche de Serbes dans sa vie, parce que eux vous font comprendre que la vie, la vie est tragique, et il vous faut comprendre que la guerre aujourd'hui, elle est menée contre les Blancs. Ce que beaucoup de Français n'ont pas encore compris, eux, ils le savent très bien. La guerre, c'était le laboratoire de ce qui va se passer pour tous les pays rebelles. Et sinon, les autres pays, ce sera des pays de soumis qui ne seront plus que des pays de Vincent McDoom, c'est-à-dire des métrosexuels LGBTQIA et puis métis, quoi. M, ouais. À la fin, LGBTQIA-M. Et en dehors de ça, ça sera la Serbie. Ça sera la Serbie pour tous les peuples rebelles. Ça sera la partition comme ça à l'intérieur de votre pays. Des peuples frères, parce qu'il faut savoir que moi, ils m'avaient tiré les larmes, ces gens-là, en me parlant de politique, parce que pour eux, la France est un peuple frère. Et sous la houlette du sale Kouchner, on a bombardé la bouche en cœur ce pays, la capitale Belgrade, mais de manière honteuse. On le portera sur nos consciences. Si on est aussi dépressif, il y a peut-être une partie qui pèse sur nos consciences, parce que ce qu'on est en train de faire là, vous tous les Français, enfin pas nos auditeurs, hein, je vous blâme pas vous, mais vos familles, ce qu'elles sont en train de faire, c'est honteux. Ça va peser lourd pendant pas mal de siècles tout ça. Il y a quelque chose aussi qui serait intéressant pour ceux qui nous écoutent de percevoir L'islam, je vais prendre le cas islamique ici, hein. L'islam a tenté par deux fois dans l'histoire, dans des grands mouvements de conquête, de s'emparer de l'Europe. La première fois, tout le monde s'en souvient, si je puis dire, c'était au 7e ou 8e siècle, par l'Espagne, l'occupation de l'Espagne, la bataille d'Arefrand de Poitiers. Mais l'Espagne était occupée 7 siècles, puis s'est libérée. C'est l'époque qu'a choisi l'Empire ottoman, avec un siècle plus tard, de tenter d'entrer en Europe. Il a été arrêté carrément à Vienne, sous les murs de Vienne. Ce qui est étonnant, et ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, cette même tenaille est reconstituée, elle emploie une autre stratégie, et elle vient par les mêmes chemins. D'où viennent les migrants ? Majoritairement, très majoritairement, et musulmans, ils viennent du sud par la Méditerranée, et ils viennent de l'Est par la Turquie, exactement comme à l'époque de l'invasion des Maures, d'abord, et de l'invasion des Ottomans, ensuite. Mais ça se fait au même moment, et ça, je crois qu'il faut absolument que les gens qui nous écoutent en prennent conscience. Une dernière anecdote qui va dans ce sens-là. Alors, à l'époque où l'Anatolie et cette partie du Levant en fait méditerranéen appartenait encore à l'Empire byzantin, à cause des guerres de succession entre les différents nobles, les différentes familles royales qui voulaient le pouvoir en fait dans l'empire, l'Empire byzantin donc a employé en tant que garnison impériale des troupes de Turcs seldjouks, qu'à la base les Turcs ce sont des peuples qui viennent du Moyen d'Asie, de l'Asie mineure là, qu'on appelle donc les seldjouks, et ces gars-là, ils étaient employés donc comme garnison impériale. Ben jusqu'au moment où ils étaient suffisamment nombreux dans les villes pour dire « Bon, ben maintenant, on n'obéit plus. Je veux dire, tu peux nous payer tant que tu veux, maintenant, ici, c'est chez nous. » Et donc, c'est comme ça que l'Empire byzantin a perdu des pans entiers de son territoire. Alors, si ça vous rappelle quelque chose contemporain, c'est complètement pas fortuit. Bon, chers amis, c'était c'est la fin de notre émission. On a parlé de beaucoup de choses, j'espère que ça vous aura captivé, ou en tout cas intéressé, et on se dit à la semaine prochaine pour la suite des événements, hein, qui seront riches de rebondissements, à mon avis. Allez, à bientôt. À bientôt les amis. Le bateau vient juste d'accoster, encore une belle fournée, elle va bientôt s'installer, la diversité. Ils viennent reconstruire l'Occident avec leurs femmes et leurs enfants, sans oublier de s'intégrer aux braves immigrés. Elle vient guérir toutes nos douleurs, il nous faut toutes ses couleurs, l'ami de la France métissée, la diversité.